is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Harris et Rihanna dans le top 5, au moins jusqu'à la fin de l'été. En tout cas, pour ce soir, Calvin Harris et Rihanna restent premiers du classement avec le 16 What You Came For, numéro 1 des clubs en Belgique, numéro 1 des clubs en Italie. Il y a beaucoup d'autres pays. Mike Poster en 2, 3ème Galantis, 4ème Alan Walker avec Philly des Kungs, en numéro 5 avec le son de This Girl et l'entrée de la semaine, Arnold Palmer avec le Ether Delilah sur Fun Radio. Quasiment 20h presque, en tout cas. On va se retrouver nous à minuit pour Party Fun Deep, 22h le Night Show, et presque 20h, et presque rendez-vous tout de suite maintenant. Ah oui. Éminemment. Ah oui. On est là. Ah oui. Ah oui, bonsoir Nico. Comment ça va? Salut Nico. Ça va bien, t'étais en boîte cette nuit hein? Exactement. Sans déconner, mais tu dors jamais en fait. Exactement. Et là, tu reviens à minuit tout à l'heure. Oui. Tu vas faire quoi? Comment tu fais là? Café. Tu ne renifles rien, non? Ah bah... Jamais. Ah oui, tout de suite, c'est la drogue avec Doc. Hein, bien ah, sûr. Quand on dort pas, oui. Ah oui, tu penses, il y en a qui font ça, Doc, pour tenir des cadences Bah, qui est dans le showbiz parisien, qui connaissent ça. Hein. Ah bah oui, et puis Miko, toi, t'es dans, un peu dans le showbiz aussi. Donc, pas parisien, donc ça va. Ah bon, ça va alors. On peut renifler les clients, toi, c'est pas interdit ça. Ah oui, d'accord. Okay. Ah, tu peux renifler ce que tu veux, pareil. Le parfum des femmes en particulier. Ah oui, mais bien sûr. Ma seule drogue, c'est la vitamine C. Je vous embrasse. Ouais. Salut Miko, ciao. Fun Radio. Tous les soirs. 01-42-48-5000 Love in Fun. Love in Fun. Avec Doc et Karel. Du sexe, de l'amour et du fun. 20h, 22h. Sur Fun Radio. Bien sûr qu'on est là. Vous pouvez compter sur nous toujours. Tous les soirs. Tous les soirs du dimanche et jeudi. On tient notre promesse. Bien sûr qu'on est là en direct sur Fun Radio. Je vous invite à vous connecter sur le site de funradio.fr. Bonjour. Nous sommes aux couleurs de l'euro, Doc. Je sais pas si t'as remarqué, il y a une décoration de malade. Qu'est-ce qu'il y a en ce moment hein? L'euro 2016. Ah, d'accord. D'ailleurs, j'avais donné le bon pronostic du match de l'équipe de France. Ah, bah, toi, t'avais dit 5-0 pour la Roumanie. Oui, mais bon, c'était de la... Oui, de la déconne. Ouais, un peu de choses près, c'était match nul, quoi. Alors, c'était 2 hein, pour la France. Voilà, on est très content de vous retrouver. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Vous avez peut-être passé un week-end footballistique ou au contraire, vous n'en avez rien à foutre de l'euro. Eh bien, sachez que mercredi soir, on sera là aussi, hein, même s'il y a un match de l'équipe de France. On fera notre petite émission, bien sûr, comme tous les soirs. Ouais. On est ravis d'être avec vous. Doc est avec nous. Bonsoir, Doc. Salut, salut à toutes et tous. Doc a passé un bon week-end, je vous expliquerai tout à l'heure. Kassim à l'arrière. Ça. Salut, Kassim. Salut. C'est tout ce que t'as à dire. Moi, je m'en bats les couilles du foot. Ah, ok. Voilà. C'est vrai que t'es pas un fan de foot. Non, rien à foutre. Ah, je pensais que t'avais passé un week-end pourri. Ah non, très bien. Non, j'ai baisé. Oh. En regardant le foot. Combien? Non, même pas. Hein? Combien? Combien de fois j'ai baisé? Ouais, t'as fait une partout. Non, je. Bah, vendredi, samedi, ce matin aussi. Donc trois fois. On fait l'amour, quasiment. Non, on moi je baise. Moi, je défouraille. Je souille. Oh. Allez hop. Il y en a une qui est rentrée chez elle, tranquille. Ouais, c'est ça. Putain, elle a été dans sa piscine et tout quoi. Oui, c'était ça va, Alice. Bah ouais, ça va nickel. Moi, j'ai passé un super week-end en Lorraine. Ah, en Lorraine. Exactement, ouais. À Metz. Ah ouais. Ouais, avec la piscine et tout, 30 degrés. Ouais, ouais, ouais. Alors, soirée. 30 degrés, tu t'assieds dessus là. Et bon. Manquez juste les photos quoi. Bon, écoute, j'allais pas vous faire du mal, ça sert à rien. Ça. Après, ça vous peine. Est-ce que tu fais ça du nudisme dans ta piscine? Tu sais, on fait ce qu'on veut où on veut, hein, tu me diras. Yes. Non, mais ça t'intéresse, donc moi je fais du nudisme régulièrement chez moi. Chez moi, tout le monde est à poil, hein, bien sûr. Je t'invite à la maison, on fera une petite soirée avec Katoche, ta copine. On accueille Clémence. Et j'ai oublié Ryan, bien sûr, et Cécile, le standard. Hein, bah oui, quand même. Qui sont là tous les soirs et qui travaillent. C'est eux qui travaillent le plus dans cette émission. Clémence est avec nous. Bonsoir Clémence. Bonsoir Karel, bonsoir à tous. Salut Clémence. Tu passes un bon week-end Clémence? Super. D'accord, bah ça a l'air top. Ça a l'air super top. T'appelles pour comment Clémence? Mais en fait, j'ai un problème de conscience. Ah, qu'est-ce qui se passe? Lequel? Mais en fait, je suis allée vendredi soir dans un bar avec mon copain pour voir le match de foot. Et ça se passait super bien et tout. Et puis là, j'ai vu le mec d'une de mes amies avec une autre meuf. Et ils étaient en train de s'embrasser, donc aucun doute. Et je sais pas si je dois lui dire ou pas lui dire. Voilà, est-ce qu'elle est toujours avec lui, surtout? Oui. Ah ouais, l'as appelé? Tu l'as appelé dans la foulée, quand même? Non, non, parce que franchement, ça me travaille, je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que tu aimerais que tes copines fassent dans le cas contraire, ou toi tu serais, enfin en tout cas, dans cette situation où ton mec irait embrasser une autre fille? Tu aimerais qu'elle vienne te le dire? Oui et non, en fait. Voilà, mais c'est la seule question qu'il faut se poser. Est-ce que moi, dans cette situation, j'aimerais ça? Pourquoi tu voudrais pas savoir? Ben, si ça fait super longtemps qu'on est ensemble et que, bon, s'ils se sont juste embrassés, voilà, c'est tout. Ah bah oui, c'est rien, ça. Tu roules des pelles, c'est cadavre. Rien de putain. Non, mais c'est une troisième degré, ce que je viens de dire. Un petit écart, voilà. Mais un petit écart, un gros écart quand même. On a Thomas qui veut réagir là au standard 01 42 48 5000 pour réagir. Salut Thomas. Thomas de Longwy. Salut Thomas. Salut à tous. Salut Thomas. T'as entendu Clémence. T'as déjà toi aussi été dans cette situation? Ouais, j'ai déjà été personnellement. Bon, après si je peux donner un petit conseil, moi perso j'ai rien dit. Après il y a trois possibilités. Oui. Si on veut, c'est soit tu le dis et ta copine elle le prend bien et elle t'aide. Donc, à piéger son copain. Ouais. Soit, tu lui dis, mais là, le promo, elle a dit que t'es, comment dire, ouais, manipulateur, et tu veux briser ton couple. Ouais. Peut-être, oui. Et la troisième? La troisième, c'était. Je lui dis, elle est contente que je lui dise. Voilà. Voilà, bon. Mais bien sûr. Oui, enfin, bon, bref, on n'a pas avancé plus parce que finalement. De toute façon. Clémence, tu veux faire quoi? Mais ça fait quand même. Si on l'appelle ta copine là, si tu veux, tu vas lui dire. Ah non, non, parce que si je dois lui dire, je préfère pas lui dire au téléphone. Ah bon, bah lui voilà. Dire bah écoute, tu réfléchis, mais bon. C'est que ça fait quand même presque un an qu'ils sont ensemble. Alors je me suis dit, est-ce que au bout d'un an, si Daniel embrasse une autre meuf, est-ce que après, ce sera pas. Écoute, tu sais, dans ces cas-là, les gens doivent régler leur couple, leur problème de couple. Tout seul. Je crois que, voilà, c'est pas toi qui vas l'aider à régler son problème de couple. C'est tout. Imagine que s'il la trompe. Je suis pas d'accord. C'est qu'il a une bonne raison. Je suis pas d'accord. Elle doit s'en rendre compte, c'est tout. Non, mais je suis pas d'accord avec toi. Moi, je pense qu'il faut le dire. C'est ça, les meilleurs amis, ils se disent tout. Voilà, j'ai grillé. L'amitié, plus fort que l'amour, je trouve, en tout cas, en meilleur ami. Alice, il y a beaucoup de réactions. Ouais, il y a pas mal de réactions. Il y a David qui dit qu'il avait grillé la meuf de son pote avec un autre gars, mais il a préféré rien dire parce qu'il s'est dit, on sait jamais ce qui se passe, c'est leurs histoires. Et Anaëlle, elle a dit, quand elle l'a appris, elle l'a tout de suite dit à sa meilleure pote parce qu'elle pense que les vrais potes ne gardent pas ça pour eux. Et Pauline, elle l'a déjà vécu. Et finalement, c'est son pote à elle qui est venu lui dire, finalement, ton mec est infidèle. Et aujourd'hui, elle est vraiment contente que son pote lui ait ouvert les yeux. Sinon, il y a la petite photo, puis tu l'envoies. Ouais, ça c'est pas mal, ça. Ça c'est mieux, mais il fallait y penser quand elle les a vus. C'est un choix cornélien. Hein, en tout cas, Clémence, je te souhaite bon courage parce que ça va pas être une annonce facile à faire ou à ne pas faire. C'est toi qui vas choisir de toute façon. Ouais. Et voilà, on t'a pas forcément aidé, mais c'est à toi de décider aussi en même temps. Hein. Mmh. Hein, ouais. Hein, Clémence, il y a du pour, il y a du contre. À toi de voir. Salut Clémence. Okay, gros bisous. Gros bisous, dis-le. Alexandre, 13 ans de Paris, est avec nous. Bonsoir Alexandre. Salut. Alexandre. Salut tout le monde. Salut Alex, ça va? Un bon week-end de fête? T'appelles ça pour va, quoi? T'appelles pourquoi Alexandre? Moi j'appelle parce que souvent quand je pisse, ça me brûle le gland. Ah bah oui, bien sûr, petite brûlure de gland, Doc. La chaude pisse. Ah bah, chaude pisse. Non mais attends, j'espère pas Alex, ça doit faire super mal. On va en parler dans un instant. Vous tous en direct sur Fun Radio, vous nous appelez. Il y aura le défi, fallait pas demander aussi tout à l'heure du sexy chocolat et Rice Treffy. Bonne, bonne. The nurses is buns, bun, dun, dun. Bet you wanna taste it, bun, bun. Bet you wanna taste it. Get the chitty, dun, dun, dun. Bun, bun. The nurses is buns, bun, dun, dun. Bet you wanna taste it, bun, bun. Bet you wanna taste it. Get the chitty, dun, dun, dun. J'adore son petit rire à la fin, c'est trop trop bon ça. Era Istrefi, bonne bonne. 01 42 48 5000. Love in Fun avec Doc et Karel. 20h 22h. Et choisissez la musique, hein. Vous savez qu'ici vous êtes un petit peu les rois, hein. 01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone pour nous appeler, bien sûr, choisir la musique, passer à l'antenne, poser des questions, demander des conseils. On est là pour vous aider tous les soirs. Une chose est sûre, on écoutera Deoro Bailar tout à l'heure. Allez, déhanche ton corps, Doki. Ah, bien sûr. Montre-nous comment tu danses. Certainement, oui. C'est très très beau ce que tu viens de nous faire. Petit pas de danse. Alexandre est avec nous, il a 13 ans de Paris. Alors... Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Salut. Bon Alexandre, il est un peu en panique là, Doc. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux décrire un peu là? Quand tu fais pipi, ça te brûle? Oui. Pendant que tu pisses? Oui. T'as pas une relation sexuelle à 13 ans? Non. Non. Ça veut dire quoi ça? Oui, non. Ça veut dire qu'il se masturbe, Doc. Oui, peut-être. Voilà. Bon alors, c'est vrai que ça s'est produit quand? Récemment? Hier? Avant-hier? Ce soir? Ça s'est produit la semaine dernière et ça se fait quoi? À 2 à 4 fois par an? Avant, c'était 2 à 3 fois par an, et maintenant, ça augmente de plus en plus. Le problème. 2 à 3 fois par an. J'ai pigé, c'est de savoir si pendant toute la mixtion, lorsque tu pisses, est-ce que ça te brûle ou est-ce que c'est à la fin que ça te brûle? Non, c'est pendant. Pendant. Bah, ça peut être ce qu'on appelle un site d'urétrite, c'est l'inflammation du canal urétral. Alors, ton âge, ça peut pas être une IST, puisque t'as pas de rapport sexuel. Bah oui, non. Mais bon, malgré tout, il peut y avoir des signes d'irritation, je ne sais pas lequel. C'est peut-être trop de branlette, qui ça se trouve. Tu te masturbes régulièrement, Alexandre? J'ai diminué. Tu diminues, ah, l'autre. C'est comme les clopes. Ouais, je diminue en ce moment. C'est quand t'es très actif que ça. Non, sérieux. Je vais être honnête. Avant, je me masturbais 4 à 5 fois par jour. Bien sûr que ça génère l'irritation. Je suis passé à 2 fois par semaine. Bravo, Alexandre. Bravo. Et c'est pas ça, c'est pas la cigarette non plus. Enfin bon. Tu peux y arriver, Alex. Ah, tu sais, moi je continue, j'ai jamais arrêté. Je pense que c'est un peu d'irritation, c'est pas très grave dans la mesure où ça passe rapidement et t'as pas d'écoulement purulent, ça coule pas. Oh putain! Ah oui, c'est ça qui. Non mais alors, moi j'ai eu ce problème là. T'as pas répondu, Alexandre? Attends, ça coule? J'ai pas entendu. Est-ce que ça coule? Est-ce que t'as du pus qui coule de la verre? Bon appétit. Non. Okay. Non, mais moi, j'ai eu ce problème-là, Doc. Je me souviens, en fait, je devais mettre mon truc dans une bouteille, en fait, avec un produit dedans. Il faut voir s'il y a une urétrite banale, la germe banale. Bon. Ce qui peut toujours arriver, mais si ça passe au bout d'une ou deux fois, je pense qu'il ne faut pas s'affoler non plus, surtout s'il n'y a pas d'écoulement purulent. Ne t'inquiète pas, Alexandre, c'est pas grave. T'as jamais eu ce problème avec ton pénis, Alice? Bah non, justement, ouais. Mais je me dis, ça le brûle. Dans quoi il se branle, en fait? Je me suis dit, ça se trouve, c'est ça le problème. On lui a pas demandé. Ah oui, tu te masturbes dans quoi, Alexandre? Comment? Tu te masturbes dans quoi? C'est bien. Dans quoi, c'est-à-dire? Bah, tu te masturbes comment? Non, c'est bon, c'est bien. Parce qu'on peut utiliser des gants de toilette. Tu utilises avec tes mains? La traditionnelle, quoi. La traditionnelle? Ah ouais! Une fois c'est la main comme gauche, la baguette. C'est plutôt la main gauche ou la main droite? La droite, toujours. Ah bah, essaie celle de la gauche, on dirait que c'est ta voisine qui te le fait. Voilà. Tu verras. Ouais, ça te donne une petite sensation différente. Alexandre! J'ai un truc. Ouais, vas-y. Ouais, c'est quoi ton truc? Un truc, je me souviens, une fois, je me suis morsumé la main gauche, le lendemain, j'ai fini à l'hôpital. T'as fini à l'hôpital? Ouais, donc du coup, j'ai arrêté. Qu'est-ce que t'avais à la main, du coup? C'est pas la main, c'est le poignet? Comment? Oui, maman, bah oui. Mais qu'est-ce que tu racontes à la radio, mon chéri? Hein? Si ça tourne, ta mère écoute. Donc effectivement, donc Alexandre... la main gauche, t'as forcé un peu, t'as mal. Ok. C'est pas grave. Alexandre,

Oui, bonsoir, excusez-moi de vous déranger, je sais qu'il est un petit peu tard là, presque 20h30. Je me présente Pascal Pine de la chocolaterie Sexy Chocolat, je vous dérange pas ? Non, pas du tout. Alors, je vous explique en fait, on est une chocolaterie qui vient d'ouvrir là du côté de Versailles. Ouais. Et on a plusieurs boutiques un petit peu partout en France. Et en fait, on se permet de vous appeler en fait pour vous faire une proposition. Je vous explique très brièvement, c'est pas du tout une arnaque, vous allez voir, et vous êtes même carrément gagnant dans l'histoire. En fait, on est une chocolaterie érotique. Donc, on fait des chocolats en forme de vagin, en forme de verge. On a des petites huiles de chocolat comme ça. Et ce que je me propose en fait, c'est de vous offrir 50€ de chocolat érotique à offrir à la personne de votre choix. Cette opération, en fait, on l'a fait voilà juste pour se faire connaître parce qu'on démarre là en ce moment. Après, libre à vous de venir en boutique, bien sûr, hein, mais il y a aucune obligation. Vous me donnez le prénom de votre chérie et on lui envoie le coffret érotique pour s'amuser. Et vous allez bien vous amuser. Ouais, pourquoi pas. Enfin, ça m'étonne un peu. J'en ai pas du tout entendu parler sur Raphaël. Ben oui, c'est tout nouveau. C'est Sexy Chocolat. Ouais, pourquoi pas. Écoute, ouais, c'est vrai, on y va. Y a rien à payer. Rien du tout. On y va. Ouais. Alors, il me faudrait le prénom de la personne. Vous avez peut-être, vous êtes marié peut-être ? Non, je suis pas marié, non. D'accord. Vous avez une petite amie ? Il me faudrait juste un prénom. On va dire un plan cul, quoi, en gros. Justine. Alors, vous savez quoi ? Les plans cul, c'est notre spécialité. On a le. Pour le coup, je vais vous mettre le pack plan cul. D'accord ? Avec les petites menottes et tout ce qui va avec, histoire d'être bien au taquet. Bon, ça va alors, pas de problème. Ok. Alors, si vous m'êtes sympathique, si vous voulez, je vous en offre un deuxième. Parce que comme ça, je suis débarrassé, je peux rentrer chez moi. Il y a quelqu'un d'autre ou pas ? Carrément. Quelqu'un d'autre. Quand on a un plan cul. Non. D'accord. Non, je vois pas, honnêtement. Non. Donc, Justine, non. Pour Justine, ouais, c'est ouais. Ça. D'accord. Ouais, alors, un petit message qui accompagnera le coffret ? Un petit message, je sais pas, pour la prochaine fois avec un petit smiley, je sais pas. Pour la prochaine fois avec un petit smiley. Ah, vous la voyez régulièrement ? Ouais, plutôt. D'accord. Ouais, assez souvent. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous passer mon assistante qui va prendre les coordonnées, tout ça, d'accord, pour envoyer. Ok, pas de soucis. Très bien, je vous passe tout de suite mon assistante, Louise. Oui. Oui. Oui, c'est Louise. Comment ça va ? C'est de con, va. T'es sérieux, là ? Allô ? Attends, je comprends rien. Non, y a rien à comprendre. C'est qui, c'est Justine ? T'es sérieux, là ? Tu peux pas être honnête et me dire je vois quelqu'un d'autre ? C'est quoi ton problème ? Attends, mais t'es censé me passer l'assistante pour une passe-toi, là. Je comprends pas, là. Je vais pas chercher à comprendre. Et Louise, explique ouais. À Valentin où est-ce qu'il est, quoi, parce que là, il n'a rien compris. Il vient de se taper la honte sur la radio, en fait. Fun Radio, t'es en direct dans Love in Fun. Génial. Et donc, Louise avait quelques doutes quant à votre relation. Elle voulait simplement vérifier si t'avais une autre relation. Bah, j'ai bien fait. Quelle relation, j'ai envie de te dire. Il paraît qu'elle avait une relation avec toi. t'adores ce genre de mec, mais meuf, hein, on s'est vu 10 fois. D'accord. Donc, tu pensais que j'allais être l'amour de ta vie ? Ah non, pas du tout, mais c'est juste une question d'honnêteté, en fait. C'est pas question d'honnêteté. J'ai 20 ans, j'ai envie de me vider les couilles. D'accord. Qu'est-ce que tu veux que... D'accord. Eh ben écoute, avec ton VIH ambulant qui s'appelle Justine, et puis bon courage. Ok, mais non, j'avais jamais entendu celle-là. Ambiance. Mais t'es malade. Mais attends, mais meuf. C'est juste une question de respect et d'honnêteté. Mais question d'honnêteté, mais je me suis pas engagé sur la durée avec toi. Ah non, mais ça fait 6 mois qu'on se voit, ça fait 6 mois qu'on est ensemble, que tu me dis oui, on est bien ensemble. Mais tu es malade, on est ensemble. Bon, d'accord. Est-ce que vous avez eu des relations sexuelles ? Ah bah, tout de suite, Doc. Bah oui, quelques-unes. Je t'ai vidé les couilles aussi, oui, c'est ça. Justine, elle suce, elle. Voilà, ça c'était Valentin. C'est ce qu'on appelle une certaine finesse. Ah bah le connard, une certaine délicatesse. C'est ce qu'avait dit Alice. Hein, ouais, ça le définit bien quand même. C'est sacrément beau, femme. Avec... Bah ouais, surtout qu'il s'était fait piéger. Enfin voilà, il savait plus trop quoi dire. Du coup, il est allé cash quoi. On a récupéré Louise quelques jours plus tard. Louise, qu'est-ce qui s'est passé après ? Bon bah j'imagine que t'es plus avec. Non, je suis plus avec et puis j'ai renvoyé le peu d'affaires qui restaient chez moi, quoi. Ouais. Ah, parce qu'en plus, il avait laissé des affaires quand même. Bon, oui, il t'a rappelé depuis ? Tu lui as expliqué quelque chose ou pas du tout ? Oui, il m'a appelé. C'est toujours le répondeur qui répond bizarrement. Ah ouais, donc tu as pas souhaité lui reparler. Et tu penses pas qu'il faisait un peu le malin parce qu'il était aussi à la radio, parce que il a quand même dit qu'il était avec toi, enfin voilà, qu'il fallait qu'il se vide les couilles. Je pense que c'était vrai. Oh, mais il est temps, c'était quand même c'était vachement violent. C'était une fois qu'il s'est fait prendre la main dans le sac. Oui, mais enfin, il n'y avait pas que la main dans le sac, il y avait autre chose à dire. Oui, mais Louise, non, excuse-moi, mais Louise, elle était amoureuse, quoi, tu vois. Ça s'entendait que pour elle, c'était oui, important. Bien sûr, mais bah, là, c'est tout, il a joué cash. C'était surtout une question de respect, quoi. Mais enfin, il couchait avec une autre, c'était évident. Voilà, bon. Bon, ben. Bah, Louise, bah, je suis content en tout cas que finalement ça t'ait servi, tu vois, à savoir quoi, que c'était pas exactement le mec de ta vie. Ça, c'est sûr. Tout à fait. Eh ben, on te fait des gros bisous, Louise, et on te souhaite de rencontrer bientôt l'été, là, Louise. Hein, ouais. Hein, tu me mets un beau petit maillot de bain de pièces, ça va être nickel. Pas de souci. On te fait des gros bisous, Louise. Salut à tous. Salut. Salut. Salut, ma chérie. On a Corentin qui est avec nous, 16 ans, à Châteauroux. Salut, Corentin. Salut, Corentin. Salut, Ariel. Salut, Doc. Salut, Aïe. Salut, Corentin. T'appelles pourquoi, toi? Alors, moi, j'ai appelé, c'était pour parler, en fait, de l'événement qui s'est passé cette nuit à Orlando. Ouais, oui, 50 mois, ouais. Voilà, c'est ça, et je voulais savoir, en fait, si la méchanceté, c'était dans les gènes et s'il y avait des façons pour c'est, voir. Enfin, c'est un ça. Acte revendiqué par un terroriste de Daesh, quand même. Hein. Ouais. C'est un acte terroriste, c'est un acte de guerre. Encore une fois, n'oublions pas. On va en parler dans un instant, bien sûr. Vous restez avec nous, n'hésitez pas à réagir. Hein. Tout ce qui se passe pendant l'émission, 01 42 48 5000. Et un son énorme, voici l'artiste Fun Radio Drake. Baby, I like on your ways, front way, back way, you know that I don't play, street's not safe, but I never run away, even when I'm away, OT, OT, there's never much love when we go OT, I pray to make it back in one piece, I pray, that's why I need a one dance, got a Hennessy in my hand, one more time before I go, higher powers taking a hold on me, I need a one dance, got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Drake, One Dance sur Fun Radio. Jusqu'à 22h. Love in fun. Du sexe, de l'amour et du fun sur Fun Radio. 01 42 48 5000, libre antenne tous les soirs sur Fun Radio. Et on est là pour vous aider. Hein. S'il y a un petit souci dans votre vie et qu'on peut vous rendre service, n'hésitez pas à nous appeler. Hein. Si vous voulez aussi des petits conseils, je sais qu'il y en a plein qui révisent là, en ce moment. Si vous voulez des petits conseils pour être au top pour vos examens, Doc, il a plein de petites astuces aussi hein, qu'on peut vous donner. Sûr. 01 42 48 5000, c'est une vraie libre antenne qu'on fait avec vous. Il suffit de nous appeler, on vous met direct à l'antenne. Comme Corentin d'ailleurs, qui voulait poser une question en rapport à ce qui s'est passé un petit peu ce week-end aux États-Unis. Corentin, t'as 16 ans et t'es de Châteauroux. Oui, salut Carré, salut Doc. Salut Corentin, vas-y, raconte-nous tout là. Alors en fait, je regardais les infos ce matin, donc j'ai vu qu'il y a eu l'assassinat de la chanteuse Christina Grimmie et qui a fait aussi plus de 50 morts donc, cette nuit à Orlando. Oui. Et par rapport aussi aux événements qu'il y a eu ces derniers temps en France et tout ça, en fait, je me demandais, enfin, qu'est-ce qui pouvait faire que quelqu'un devenait méchant comme ça ou violent, ou est-ce que ça se trouvait dans les gènes, enfin, est-ce que quel par où, enfin, ou est-ce que ça peut être soigné, enfin, voilà quoi. Déjà, dans un premier temps, l'assassin de la chanteuse Christina Grimmy est un psychopathe. C'est un type qui, effectivement... Ah, le mec est un malade. Elle est allée assassiner, probablement, est-ce qu'il pouvait être repéré? Oui, ça, c'est la meilleure des questions. Peut-être Erotoman, j'en sais rien. Ou en tout cas, Erotoman, explique, Doc, c'est quelqu'un qui a... C'est quelqu'un qui va, effectivement, décider que la personne, en fait, l'a séduit, qu'elle a donc fait acte de séduction, qu'elle est venue vers lui, alors que ça n'a rien à voir, ouais. Et qu'il veut absolument s'accaparer, voilà. Et donc il la poursuit jusqu'à effectivement parfois l'assassiner. En imaginant, 22 ans, hein, 22 oui, ans. Mais c'est sûr que c'est un psychotique, c'est sûr que c'est pas quelqu'un qui... Bon, donc ça c'est déjà une chose. Est-ce que les psychotiques peuvent être opérés? C'est une excellente question. A priori oui, pas toujours. Et il y en a, hélas, un certain nombre qui sont en liberté. Quand Doc, et est-ce que c'est vrai qu'à l'époque, j'avais vu un reportage, ouais. Je sais plus, mais ça m'avait choqué en fait. À l'époque, ils faisaient ce qu'on appelle de la lobotomie, tu sais. En mettant des aiguilles, des trucs comme ça. Non, non, d'abord, c'est pas efficace. Et puis ensuite, c'est un acte absolument monstrueux. Ouais, bien sûr. Désolé. C'est, voilà, on ne fait pas des choses comme aussi. Ça. En revanche, lorsque tu vas faire un psychotique, le repérer est important. Et il y a une notion extrêmement simple. À partir du moment où il est dangereux pour lui-même ou pour autrui et qu'il est repéré comme tel, eh bien, on doit le mettre en situation de ne pas pouvoir agir, c'est-à-dire de l'interner. On va dire les choses comme ça. D'être dans une unité d'urgence qui ne le laisse pas sortir. Voilà. Jusqu'au moment où, après soin, on peut estimer qu'il n'est plus dangereux. Mais il y a beaucoup de fous en liberté parce que la preuve, il y a régulièrement des crimes comme cela. Est-ce que les psychiatres l'ont vu avant? Promettre? Probablement. Est-ce qu'ils ont mal évalué la situation? Peut-être aussi. Est-ce que personne ne l'a signalé? C'est possible aussi. Quant aux 50 morts, là, c'est totalement autre chose. 50 morts, je rappelle, 30 blessés dans une boîte gay. Un mec est arrivé, armé, avec une Kalachnikov, a tiré. Et effectivement, assassiné 50 mecs. Alors là, il a revendiqué l'acte en disant que c'était Daesh. Il a très clairement revendiqué cet acte-là. Et là, on est dans une autre dimension. C'est quelqu'un qui a été effectivement manipulé, formé par cette armée absolument terrible qui va former des terroristes, les lâcher dans la nature en toute liberté, qui vont faire tout pour passer inaperçu, tenter d'avoir un bon boulot, être bien habillé, des choses comme ça. Évidemment, ceux qui avaient le Charon assassiné étaient habillés en costard-cravate parce qu'ils ne veulent pas passer. Donc, ils sont formés pour tuer. Alors là, en revanche, pour répondre clairement à ta question, il y a effectivement des séances de déradicalisation, car il faut déjà les repérer. Ça, c'est possible, on le sait. On sait en plus qu'il y en a 650 en liberté en France actuellement. Je vous fais peur, mais c'est comme ça. Ouais. Et qu'effectivement, à tout moment, ils peuvent agir. Là, on est dans un acte de guerre. C'est clairement un acte de guerre d'une armée qui va, sur d'autres territoires, semer la mort de façon comme ça sporadique, bien sûr, certes, beaucoup moins que les pays concernés, tels que l'Irak ou la Syrie, mais qui vont continuer à perpétrer ce genre d'acte. Parce que... Donc, il faut être extrêmement vigilant, bien sûr, mais là, c'est autre chose, c'est lutter contre Daesh. Parce que, Corentin, tu dis que ça peut être dans les gènes, mais, enfin, je veux dire, il y a des Français qui sont partis pour Daesh, et à la base, jusqu'à un certain temps, jusqu'à 17 ans, où il fait une mauvaise rencontre, le mec, il est juste normal. Hein. Alors, déjà, il faut savoir que ça n'a pas forcément à voir ni avec le milieu social, ni avec le niveau d'éducation, car il y a des gens qui sont éduqués et qui peuvent partir, ça a à voir à des gens fragiles psychologiquement, qui ont une mauvaise assise narcissique, comme on dit, et qui sont séduits par des gourous, enfin par des maîtres. Ouais, c'est comme une secte. Séducteurs. C'est le même fonctionnement. Les sectes fonctionnaient il y a 30 ans comme ça. Il y a des gens qui se retrouvaient enfermés dans des sectes. Heureusement, enfin, c'était pas non plus glorieux, mais les sectes ne perpétraient pas de crimes comme ça. Mmh. Voilà. Est-ce que cette réponse te satisfait, Grant? Ouais, totalement. Ouais. Tu veux en poser une autre peut-être, hein? Vas-y, c'est une discussion. Hein. Moi, j'ai une histoire. La prévention, c'est quand même signaler, c'est pas les dénoncer, ceux qui sont en situation d'être radicalisés pour qu'ils puissent être pris en charge. Voilà, ça c'est important. Bah, bien sûr. Ouais, donc en fait, ça peut arriver comme ça de, enfin, je veux dire, la personne peut être totalement normale pendant un certain temps et au bout d'un moment où ça va se. Fragilité narcissique ou en tout cas être en situation de ne pas être bien et être séduit par quelqu'un qui est très séducteur, car les recruteurs de Daesh sont de grands séducteurs. Et ils font quoi? Et ça, c'est un point d'interrogation. Ils vont commencer par dire, tu existes, tu es important, tu es quelqu'un de grand. C'est-à-dire qu'ils vont valoriser. Mais bien sûr. Ils commencent comme ça. Ça, c'est très très fort. Nous, on n'arrête pas de taper sur nos jeunes en disant, regardez les informations.

Grosse bite. Non, non, l'obsédé. L'obsédé. Ah, peut-être, ou Damien, non, Damien Baiser. Le lapin, oui. Rabbit. Il y a bien le lapin. Ouais, c'est clair. Dites-nous si vous avez des surnoms. Parfois, t'as des surnoms comme ça qui sont assez durs à assumer, ouais, aussi. On a Marine qui est avec nous, 22 ans de Valenciennes. Bonsoir Marine. Salut. Salut Karel. Salut Doc. Salut tout le monde. Salut. C'est pas Karel, on m'appelle Relka. C'est mon surnom. Ça va Marine? Ça va bien, et vous, comment ça se passe? Bah, plutôt pas mal, on est content d'être avec vous là. Marine, ton prénom c'est Marine, et ton surnom c'est quoi toi? Mon surnom c'est le camionneur. Le camionneur. Tu peux nous dire pourquoi? Oh merde. Alors, moi je le porte bien parce qu'en fait j'ai l'apparence d'une femme, je ressemble à une femme, mais je ne suis pas une femme. Ah bah t'es pourquoi? Parce que en fait, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de sport, qui fait beaucoup de muscu, et en fait, je prends surtout au niveau des bras. Du coup, on m'appelle donc, le camionneur. On vous a mis d'ailleurs la petite photo des bras de Marine. Vas-y, fais voir, je vois, les bras de Marine. Ah ouais, tu pourrais me soulever quand même, sans problème, je pense. À mon avis, si vous l'emmerdez, vous ramassez une mandale, vous faites trois tours en arrière. Elle est très musclée des bras, mais elle est très jolie, Marine. Ouais. Bien sûr, bravo. C'est gentil. D'ailleurs, Karel, j'ai une petite question à te poser. Ah, mais vas-y. Mais qu'est-ce qui se passe? Je veux un rencard avec Karel. Tu veux un rencard avec Karel? Mais pas de problème, chérie. On va te donner un rencard avec le camionneur. Sans déconner, t'es mon bien sûr. T'es mon proxénète. Il n'attend que ça. En fait, je peux vous dire la vérité. Il t'arrive dans cette émission, il m'a dit punaise, je me trouverais bien notre nénette. Mais vachement musclé comme ça. Ouais. Non, t'as une chance avec Karel, y a pas de souci. Hein. J'ai une nana, j'ai un fils, Marine. C'est ma vie, je peux pas. Ouais, enfin là, il dit ça parce que. C'est pas parce qu'il y a un gardien qu'on peut pas marquer de but. Oh putain. Valenciennes, c'est pas la porte à côté non plus. Non, c'est pas la porte à côté, mais il y a sa meuf qui écoute. Alors. On va le faire en antenne parce qu'il y a sa meuf qui écoute. Ce qu'on peut faire, Marine, c'est qu'on t'invite en tout cas à venir assister à l'émission. Ah ouais. Hein? Prends ça comme un rencard. Et comme on est pendant l'Euro, peut-être que Karel mettra un but. Écoute, on en profitera pour marquer un but, si tu veux. Marine, je te fais des gros bisous. Reste avec nous, il y a Yannick aussi qui est avec nous. C'est Yaya, j'imagine, ton surnom. Bonsoir Yannick. Salut Yannick. Salut Karel, salut Adolf, salut tout le monde. Salut. Ouais, Yaya, c'est un de mes surnoms, c'est celui que mes potes IRL me donnent. Ouais. IRL, alors tu sens que c'est un gamer le mec. Hein. Ben voilà, justement, la deuxième étape, c'est que j'ai mon nom de gamer qui revient souvent. Tous les potes de ma guilde m'appellent Davius, c'est mon nom en jeu. Ouais. Après, j'ai mon frangin qui m'appelle Yanoche. Oui, mais tu t'appelles comment, Yannick? Yannick. Je m'appelle Yannick. Ouais, Yannick, c'est un diminutif. Ouais, après, c'est différent les pseudos qu'on prend dans les jeux comme ça. J'ai quand même un pote qui m'appelle le gros faisan. Là, on est dans le pseudo qui signifie, enfin, qui, voilà, calqué sur un comportement que tu as. Ah ben pourquoi le faisan? Je te pose la question. Ah, parce que je fais un gros chacal, je suis tout le temps en train de parler de nichons et tout, donc ils trouvent que je suis un gros nichon. D'accord. Un gros faisan. Les faisans sont obsédés, c'est bien connu. Visiblement, c'est lui, oui. C'est comme ça qu'il l'a d'accord. Vu. D'accord. Ouais. Ah, t'es un gros chaud de la teub, Yannick. Gros chaud du nichon, même, j'ai envie de te dire. Ah bah écoute, tu aurais mesdames dû venir planquer, ce soir assister à l'émission. Mesdames, planquez vos attributs. Ah oui, non mais c'est vrai, il y a deux auditrices qui sont venues assister à l'émission et bon bah voilà quoi, il y a du nib. Fallait m'inviter les gars. Bah viens, venez quand vous voulez, on vous le dit tout le temps, il suffit de d'envoyer un petit mail loveinfun@funradio.fr. Le gros faisan, tu restes avec nous? Écoute, là où il y a du nichon, il y a le gros faisan. Il est fort Yannick, il est très très fort. Reste avec nous Yannick, il y a Vanessa aussi qui est là. 27 ans d'Angers, bonsoir. Salut, Vanessa. Salut Vanessa. Salut tout le monde. Bienvenue dans Love in Fun, c'est quoi ton petit surnom toi? La chiasse. La quoi? La chiasse. La chiasse. Oh, c'est un peu... Ah, ça, c'est, ça, pourquoi c'est... C'est parce que tu embêtes tout le monde? Non, quoi, c'est une histoire de famille ça. Ouais, tout à fait, c'est mon père qui m'a donné ce surnom là. Parce pourquoi? Que t'as parce eu... Que... Oui, t'arrêtes pas de te plaindre. Toute petite j'étais tellement chiante que je faisais chier pour un oui, pour un non. Ah, d'accord. Et du coup, c'est resté. Même j'ai cru que t'avais eu j'ai cru que t'avais eu un petit accident. Ah, bah non, hein. Non, ça peut arriver, hein. C'est... Non, parce que j'étais tellement chiante et du coup, c'est resté. La chiasse, d'accord. Voilà. Tu dois être ravie de t'appeler la chiasse. Oui, tout à fait. Ah, oui, c'est toujours sympa. Le pire, c'est dans les repas de famille, t'amènes ton petit copain et là, t'as ton père qui te dit ça va la chiasse. Ah, bah, c'est arrivé. Ah, bah, voilà. C'est très classe. Ouais, c'est pas terrible. Ouais. Tommy est avec nous. Bonsoir, Tommy. Salut, Tommy. Salut, Tommy. T'as 17 ans, t'es à HL. C'est quoi ton petit surnom, toi? L'usine à cochonne. Ah, l'usine à cochonne? Non, Peggy la cochonne. Ah, Peggy. C'est un surnom, ça. Pourquoi Peggy la cochonne? Alors, c'est parce qu'en fait, mes potes, je me suis déguisé en cochon et j'avais pas vu que c'était troué derrière. Et à un moment, bah, il y a un cochon qui m'a un peu sodomisé le derrière, quoi. Quoi, tu t'es fait renifler le cul par un cochon, en fait, c'est ça? Voilà. D'accord. Eh ben oui, écoute, hein. Ah ben, ce sont des choses pourquoi qui arrivent. Pas, oui, c'est très imagé, oui. Ça va, t'as pas été trop traumatisé quand même? Oh, bah, j'ai eu un peu le caleçon troué, mais bon, ça va. Ah, mais... ça va. T'as arrêté de manger du cochon depuis, j'imagine? Bah, non, au contraire. Même pas. Alors, Alice, toi, ton petit surnom, c'est quoi, toi? Moi, j'ai pas de surnom de ouf. Comment elle t'appelle, ta grand-mère? Ah, ma grand-mère, oh non, je vais pas vous dire, c'est des trucs horribles. Non, ma grand-mère, elle a des surnoms de merde. Mais en général, on m'appelle. Non, mais justement, j'ai une copine connaître, qui m'appelle là, Minicat. Voilà, c'est le seul surnom. Minicat. Minicat. Minicat. Petite chatte. Minicat, voilà. Oui, enfin, un petit chat, quoi. Catwoman. C'est pas un père de Nyan-Cat par hasard? Nyan-Cat. Non, pas du tout. Non, rien à voir avec le petit chat sur Internet. C'est ta grand-mère, Alice? Non, bah, on en parlera plus. Ah, t'as vu, elle assume pas, elle assume pas. Ah, non, alors là, je n'assumerai, mais jamais. Non, mais on avait déjà eu sa grand-mère au téléphone et on avait essayé de la cuisiner. Attendez, elle a rien dit, c'est pas pour que ce soit moi qui le balance, je suis pas si bête. Cécile, au standard, c'est quoi ton petit surnom, toi? Mon frère m'appelle The Brain parce qu'il trouve que je suis très conne. Ah oui. Il a raison. Fort, fort. Et toi, Cassim, comment elle t'appelle ta mère? Casse-boule. Non, le vrai. Non, elle me casse. Parce qu'elle sait que je casse des culs. Mais non. Elle... Oh, la canette. Non, la canette. Parce que j'ai une grosse bite, mais pas trop longue, mais épaisse. Voilà. D'accord. Je vois rien, je vois pas la canette. Enfin bon. Et toi, c'est comment, Doc? Je sais pas, non, rien. Ah. Elle t'appelle comment, Katoche? Mon amour, je te l'ai dit. Ah, ouais. C'est les deux pareils, mon amour. Oh, non, ils sont trop amoureux. Moi, ma meuf, elle m'appelle Caca. C'est pas terrible. Hein. Il y a des réactions sur les réseaux sociaux, Alice. Oui, il y a des réactions. Il y a Alex qui dit on m'appelle Finch, alias Pose Caca. Clément, on l'appelle Lardon. Charlène, Madame Connasse. Fanny, Grosse Crotte. Et Hello, son nom de famille, c'est Jacquet. Du coup, on l'appelle Tartine ou Pain de Mie. Ah oui, et un petit dernier, Céline de Belgique, qui se fait appeler Ginette. Ah bah, on embrasse voilà. Ginette. Putain, la palme revient à Vanessa, hein, la chiasse. Ouais, quand même. On vous fait des gros bisous. Le faisant, la chiasse. Marine et Tommy, vous revenez quand vous voulez. En tout cas, merci beaucoup d'être venu ici. Bisous tout le monde. Salut à tout le monde. Le pack Love in Fun qui va partir et puis on va réécouter le meilleur défi fallait pas demander de cette semaine là avec Morgane, 15 ans de Chambéry, qui a appelé sa maman avec... Franchement, c'était énorme. Elle a appelé sa maman pour lui demander « Maman, ça ressemble à quoi un orgasme ?» Et on n'a pas été à l'abri de nos surprises. Restez bien avec nous. En attendant, on va pouvoir mettre à fond si Breeze sur Fun Radio tous les soirs, 20h, 22h du dimanche au jeudi. C'est votre émission. Vous êtes tous les bienvenus ici. 01 42 48 5000 Love in Fun sur Fun Radio. This is not for your cries. This is all for your lies. Listen up for your mind. You're killing me over love. Da, da, da. The kisses are the only doubt. I listen out from your lies. Don't try your Sib, Breeze sur Fun Radio. In. Du sexe et du fun. 20h, 22h. On est dimanche soir en direct sur Fun Radio, soyez tous les bienvenus, hein, si vous venez de débarquer, vous nous écoutez à la radio, il y en a qui sont sur les routes, avec les portables aussi dans la chambre, en train de réviser, merci hein, d'être là tous les soirs. Tiens, je viens de voir un petit message là, Doc, à l'instant, là, sur Twitter, de Shelly qui dit « Je suis une fille et j'arrive à me masturber en contractant les muscles de mon utérus en ayant enfin, un pas, orgasme. » Pas d'utérus, mais du muscle du périnée. Oui. Ah bah moi je lis. Oui, enfin elle pense que j'ai l'utérus, mais en fait c'est le périnée. C'est-à-dire... Elle est vierge, est-ce que c'est normal? Oui, bien sûr, oui. Bien sûr, en croisant les cuisses, les filles peuvent stimuler le clitoris à avoir un orgasme. Oui. Sans déconner. Bien sûr. En croisant les jambes comme ça? Il n'y a jamais rien vu. Ah bah attends, je savais pas. Alice? Oui, bien sûr. Bon, moi, j'ai jamais réussi à faire ça. Croise tes jambes pour voir. Bah, j'ai les jambes croisées, là, j'essaye. Décroise. C'est une technique. Hein, oh bah vas-y, moi, tu sais, j'ai la flemme des trucs comme ça. Elle va direct, elle va pas chercher. Bah bien sûr, pourquoi s'emmerder à croiser les jambes? Voilà. Tous les soirs dans l'émission, il y a un défi. C'est le défi, fallait pas demander. On va réécouter le meilleur de cette semaine. Alors attention, là, on a été gâtés avec ce défi, franchement. C'est l'un des meilleurs qu'on ait eu là cette année. Un défi de Morgane qui avait appelé sa maman pour lui demander en fait à quoi ça ressemblait un orgasme. Écoutez. Allô? Allô maman? Ouais? Ça va? Oui, toi? Ouais, ça fait parce qu'il fallait que je te pose une question. Ouais. Ça ressemble à quoi un orgasme? Tu sais pas ce que c'est qu'un orgasme? Bah non, mais tu peux m'expliquer. Ouais, je peux t'expliquer, ouais. Mais ça fait quelle sensation dans la chatte? Quoi? Ça fait quelle sensation dans la chatte? Non mais, attends Morgane, d'abord on parle pas comme ça, ok? Non mais dis-moi, s'il te plaît. Non mais, Morgane, c'est des trucs que t'apprendras plus tard, d'accord? Mais c'est quoi ces questions, quoi? C'est quoi ces questions, Morgane? Sérieux? Mais allez, dis-moi! Non, j'ai pas... Tu verras bien! Tu cries beaucoup quand t'as un orgasme? Non, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Mais allez, maman, s'il te plaît! Non, mais Morgane, oh! C'est quoi ces questions à deux balles, sérieusement, quoi? Oh, t'as vrillé ou quoi? Non, mais c'est vrai qu'on mouille beaucoup! Et t'arrêtes? Oh! Mais s'il te plaît, dis-moi! Oui, mais t'es... Oh, t'es où, là, d'abord? Mais je suis en bas de papa. T'es en bas de chez papa? Eh hey Morgane, viens. T'es pas toute seule. Eh hey Morgane. T'es pas avec mon copain, pourquoi? C'est tes copains qui te font poser des questions aussi connes ou quoi? C'est mon copain. C'est nouveau, ça? Bah non. Allez, maman, dis-moi, s'il te plaît. Et papa, genre, je vais ou... J'ai rien à te dire. Passe-moi ta maman. Qui c'est ce petit con, là? Allô? Allô? Oui, bonjour, vous êtes la maman de Morgane? Oui. Ah d'accord, ok. Bah, moi, je suis un petit copain. Ouais, bien sûr. Ah bah en fait, j'arrive pas à la faire grimper au rideau. Ouais, bien sûr. Touche-la, mais touche-la d'un cheveu, je te promets. Ah, là, je suis en train de te la toucher, là, et ça va, tout Pardon. Va bien. Pardon. Oui. Passez-moi ma fille tout de suite. Putain, tu la touches, petit con, je te claque, ok? Bah, je la touche, là, en ce moment, là, je lui touche les cheveux. Passe-moi Morgane, tout de suite, dépêche-toi. Non, j'ai pas envie. Dépêche-toi. Non, j'ai pas envie. Putain de merdeux, je te jure. Passe-moi ma fille. Et vous me parlez pas comme ça, madame, on se connaît même mais pas. Mais je te parle comme je veux. Et dis donc. Hey, dépêche-toi. Sur un autre ton. Je veux ma fille. Tu l'auras pas. Tout de suite. Tu l'auras pas. Tout de suite. Bon, d'accord, je vous la passe. Vous n'êtes pas gentille, madame. Non. Tiens, Morgane, prends le téléphone. Ouais, madame. Oh, c'est quoi ce petit con? Tu manges tes papas tout de suite. Oh, elle est chiante. Je le passe, okay. Elle est chiante, ta mère. Hein. Allez, non, mais ça veut dire quoi, ça? Allez, viens, viens, Morgane, on va faire l'amour. Oh, putain. Muriel, vous êtes aussi, oui. Vous êtes aussi jolie que Morgane? Pardon? Vous êtes aussi belle que Morgane? D'abord, on se connaît, tu m'appelles pas par mon prénom, d'accord? Oh, ça va Muriel, détends-toi. Non mais oh, tu Quoi? Te prends pour qui? Je te fais un bisou Muriel. Ouais, bien sûr. Ouais. Je peux t'appeler Mumu? Absolument pas. Je préfère que tu me vouvoies quand tu me parles. Ah ouais, oui, bien sûr, ouais. D'accord. Mais bien sûr. Ok. Putain, t'avises pas de mettre un doigt sur elle, je te promets. Je préférais le vouvoiement, ne vous avisez ah pas. Ouais. C'est une marque de politesse quand même, tu comprends? Oui, bien sûr, mais bien sûr. Là, je lui mets une petite fessée. Hop là. Hop là. Mais bien sûr. Allez, c'est hop, bon, hop. Les conneries. Ça suffit, putain. Muriel, vous êtes un petit peu énervée, j'ai l'impression. Juste un petit peu, ça me fait pas rire, franchement. Ça suffit, ouais, les conneries, là? Bah ça suffit, alors on arrête là. Vous êtes Morgane. En direct sur Fun Radio avec le défi, fallait pas demander, Muriel. Oh putain. C'était pour un défi, Muriel. Oh merde. Oh merde! C'est nul! Ah si, c'est drôle! C'est nul! Ah si, c'est drôle! Ah si, c'est très très drôle! Je quand même dimanche soir, je te promets, on me faire des coups de merde comme ça! Sérieusement! Comment? Qu'est-ce qui se passe dimanche? On nous invite en plus? Doucement, Muriel, calmez-vous! Vous avez l'air. Ça va, Muriel? Non, je tremble de partout! C'est génial, comme expérience! Morgane! C'est quelque chose! Ouais. Morgane, fais un gros bisou à ta maman! Bisous, même, je t'aime. Ouais, moi aussi, je t'aime. Alors, tu vas quand même en prendre une dimanche. Alors, grâce à vous, Muriel, vous savez quoi? Morgane, elle repart avec son cadeau, sa tablette tactile. Bravo! Bravo! Et ça valait le coup pour un beau cadeau comme ça, quand même, Muriel. Ouais, je sais pas. Ça valait le coup, mais bon, c'est fait. Hein? Bon, et rassurez-nous quand même, Muriel, Morgane pourra sortir de chez elle avant ses 18 ans. Je sais pas, j'hésite maintenant, franchement. Oh, mais non. Vous avez l'air, réfléchir. Vous avez l'air d'une maman adorable et très gentille. Oui. Bravo, Muriel. Non, c'est vrai. Bon, un petit peu énervé, mais c'est normal. On peut comprendre. Muriel, on vous fait des gros gros bisous. Ok, bah moi aussi. Et Morgane, tu reviens quand tu veux sur Fun Radio. On t'embrasse fort, t'as assuré, Morgane. Bravo à toi. Merci. Salut. Salut. Fallait pas demander. Fallait pas demander. Sauf à la team de Love It sur Fun Radio. 01 42 48 5000. On a Théo, 15 ans de Bordeaux avec nous là. Oui. Bonsoir Théo. Salut Théo. Salut le doc, salut Karel, comment vous allez? Pas mal. T'appelles pourquoi Théo? J'aimerais savoir pourquoi tout est petit chez moi. Ah d'accord, ok. tout. On va en parler. Bouge pas mon poteau. Et voici Deo, le son de la teuf, Bailar sur Fun Radio, c'est Love in Fun. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, más sabrosito. Vamos a bailar. ¡A la cosa! ¡Levanto! ¡Aprieta! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar. Sudaba tequila, yo quiero probar. Dios se divana, la van a envidiar. Baila como diosa, así no joder. Sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Love in Fun avec Doc et Karel. 20h-22h sur Fun Radio. Love in Fun tous les soirs. 01 42 48 5000. Et Théo est avec nous. Il a 15 ans de Bordeaux. Bonsoir Théo. Salut Théo. Bonsoir. Salut Doc. Salut Karel. Salut Théo. Ça fait longtemps que t'écoutes l'émission toi? Ouais, ça fait plus de 2 ans. Eh ben bravo à toi. Bienvenue Théo. Tu nous appelles pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi là? Bah voilà, j'ai 15 ans et je voudrais savoir pourquoi chez moi tout est. Qu'est-ce qui est petit chez toi? Bah, déjà, je suis petit, je mesure que 1m50. D'accord, on va faire le point et le reste. Et ensuite, bah, il y a mon pénis. Qu'est-ce qu'il a, ton pénis? Une petite bite. Bon, alors, on fait rapidement. T'en es où de tes testicules? Est-ce qu'ils ont commencé à grossir ou pas? Non. Pas encore? Bah, t'as 15 ans? T'as 15 ans quand? Non, j'ai déjà 15 ans, je vais avoir 16 ans. D'accord, et ils n'ont pas bougé de volume, tes testicules? Non. T'as pas de poils? Très peu, alors. Si. Ça commence? Oui. Alors, très très peu, ça peut vouloir dire que tu as une augmentation de volume du testicule. Est-ce que tu as l'impression que ça commence un peu grossi? Ouais, bof. Alors, il faut voir un médecin, pourquoi? Pour voir où en est ta puberté. Est-ce que tu démarres ta puberté? Je dis ça pour tous ceux qui écoutent, et les filles aussi, parce qu'elles doivent le savoir. C'est que le premier signe objectif de puberté chez un garçon, c'est l'augmentation de volume de taille des testicules, qui peut commencer à 11 ans, mais aussi à 14-15. Alors, c'est vrai qu'à partir de 15 ans, et si on approche 16, il faut se préoccuper. Si la puberté n'a pas franchement démarré... Il faut la démarrer manuellement? Il faut surtout pas... Non, mais ça, c'est pour la masturbation, ça n'a rien à voir. Non, mais je veux dire, enfin, je sais pas, non, on te fait prendre des médicaments. Alors, il faut faire un bilan. Alors, Théo, c'est normal, tu dois mesurer 1m50, 1m55, 1m60, c'est ça? 50. Tu mesures combien? 1m50? 1m50. Oui, ben, alors, bien sûr, quand ta puberté va démarrer, le jour où elle va démarrer, tu vas prendre 25 à 30 cm. D'accord? Oui, j'espère. Ouais. Ah, mais pour ça, il faut savoir pourquoi ta puberté n'a pas démarré, ou au contraire, a-t-elle commencer, est-ce qu'il y a les prémices de puberté? Auquel cas, on peut te rassurer et te dire, d'ici 18 ans, ça va marcher. Sinon, il faut faire quelques examens, dont la radiographie de l'âge osseux, qui montre d'ailleurs, dans ces cas-là, que l'âge osseux n'est pas inférieur à l'âge réel, parce qu'il y a une maturation donc, des os qui suit la maturation pubertaire. Donc, les médecins évaluent ça aussi. Comment tu fais pour gérer là, avec tes potes? Au sport, quand tu prends ta douche, tu dois avoir... Enfin voilà, ça doit être gênant pour toi d'avoir encore ton sexe d'avant-puberté, quoi. Bah, je fais tout pour essayer de me retrouver tout seul. Bah ouais. Alors, moi je regrette, parce que ça fait un moment que je milite pour ça, il faudrait que les adolescents aient une visite annuelle chez le médecin, et que le médecin vous déshabille, vous explique, et voilà, je vais examiner tes organes génitaux. Est-ce que tu acceptes? Vas-y, regarde pas mes couilles, Doc. Oui, mais pas les tiennes, parce que toi, elles sont âgées. Ça va, hein. Non, mais moi, je m'occupe des... Oui, bien sûr, j'imagine, j'espère pour toi. Donc, effectivement, enfin, on sait jamais, si t'as un problème, tu peux le dire, c'est d'ici où tu peux le dire. Théo, et donc, c'est bien, donc le médecin regarde ton poids, ta taille, fait une radiographie de la main et du poignet gauche pour voir si, effectivement, ton âge osseux est en rapport avec ton âge réel, probablement très inférieur parce que t'as pas commencé ta puberté, et ensuite, secondairement, faire des examens pour vérifier pourquoi. Voilà, mais c'est tout. Mais ne t'inquiète pas, Théo. Ok, Théo. Mais en revanche, il faut absolument que tu dises à tes parents, sinon moi je les appelle, tu dois consulter un médecin qui t'examine, pas un médecin qui regarde ta gorge et qui prend ta taille. Il faut vraiment regarder tout, quoi. D'accord, Théo. Okay, mais c'est parce que j'avais un peu peur d'avoir genre un micro-pénis. Non, non, non. Attends, t'as mesuré quand même elle fait combien, là 8 cm. Ben oui, mais c'est avec la croissance, avec la puberté, ça va nettement augmenter de volume. Oui, parce qu'un micro-pénis, c'est 2-3 cm. Hein, au départ, en tout cas inférieur à 7, ça va être dur d'avoir une relation sexuelle. Voilà. Bon, t'inquiète pas Théo, ça va venir et il faut vite que tu ailles voir ton médecin pour te rassurer aussi. C'est essentiel, je dis ça pour toutes celles et tous ceux qui écoutent, vérifier l'évolution de votre puberté, c'est absolument essentiel. Ok Théo. Ok, nickel. Salut à toi Théo. Salut, merci beaucoup. Salut, je t'en prie, tu reviens quand tu veux. Un Théo en remplace un autre. On a un autre Théo, celui-là il est d'Evreux, il a 14 ans. Salut Théo. Salut Théo. Salut toute l'équipe. Salut à toi. Théo, t'appelles pourquoi? Bah, je voulais savoir si vapoter c'était dangereux pour la santé. Bonne D'accord. Question. Cigarette électronique, on en parle dans un instant. Et ce que veulent les filles, vous savez qu'ici, on est la seule émission où vous pouvez poser les mecs, posséder. Une question aux filles. C'est un rêve ou une réalité? Tu veux posséder une fille, toi? On ne possède pas les femmes. Ah, merci. C'est elle qui... Ils vous possèdent, bien sûr. Mais bien sûr. Alors, ce que veulent les filles ce soir, c'est la question est la suivante. Est-ce que envoyer des SMS chauds, c'est trompé? Est-ce que si on envoie un petit sexto, évidemment. Ça veut dire que c'est trompé? Évidemment. On pose la question, dites-nous les filles ce que vous en pensez. 01 42 48 5000, ça reste des mots dans un téléphone. C'est de la technique de drague pure et dure. Dimitri Vegas avec Arcade dans un instant. Mets tes mains en l'air. Dimitri Vegas Like Mike avec Arcade, à tout de suite. Réagissez à l'émission sur Twitter, hashtag LoveInFun. La radio numéro 1 sur les nouveautés, fun. C'est Fun Radio.

Vegas, arcade sur Fun Radio. 20h, 22h. On va lire quelques-uns de vos messages. Vous êtes très nombreux à nous envoyer des messages. Beaucoup, beaucoup de personnes aussi sur le hashtag Love in Fun pour commenter l'émission. Des petits messages aussi sur le Facebook, la page, la fanpage de l'émission Love in Fun. Et puis j'en place une aussi pour notre page YouTube où on vous met régulièrement des vidéos de plus en plus et de qualité. De qualité incroyable. Digne des meilleurs YouTubeurs. Hein, Cassim qui fait ça. C'est Cassim qui fait ça, ouais. Mais on pense à trouver un remplaçant. Je te cache pas. Ouais, ça va arriver. On va se professionnaliser. D'ailleurs, si on peut faire une annonce, hein. Si vous savez faire des vidéos, envoyez un mail à loveinfun@funradio.fr. Faites gaffe parce que c'est un vrai casting et on est sans pitié. Bah bien, c'était de la violence, personne ne va s'arrêter. Oui, attends, Léo, alors, que ce soit excellent. Si vous avez fait l'école des gobelins, c'est un petit plus. Hein. Surtout pour qu'à faire. Tant qu'à faire. Oui, j'aime bien l'école des gobelins. Ah, bah oui, voilà. Tout à fait, oui. Et vous avez un iPhone, j'aime surtout. J'aime bien, je trouve que dans ce pays, on a d'excellents endroits pour apprendre. Absolument. À tout moment dans sa vie. N'hésitez pas, loveinfun@funradio.fr. Et on lit vos messages, c'est parti. Un message de Jules, j'ai la voix cassée depuis que je suis tout petit et c'est super chiant. Pourquoi j'ai ça? Il faut examiner les cordes vocales. En général, lorsque la voix a changé, ça peut être ça. Alors, il peut y avoir des petits polypes sur les cordes vocales, il peut y avoir un dysfonctionnement de la corde vocale. Et sans examen, je peux rien lui dire. Il faut aller en parler. Ouais. Un ORL. Et un message de Clara, pourquoi je suis vachement plus excitée l'été que l'hiver? Ah oh, putain. La chaleur, la latitude, la Terre est un angle de 30 degrés entre l'hiver et l'été. Comment? C'est simplement ça qui fait les saisons du juin sous nos latitudes. Mm-hmm. Oui, la Terre fait un angle de 30 degrés. Monsieur. Ce qui fait que t'as l'été et l'hiver. Et le cosinus, c'est combien? Et donc, on s'en fout du cosinus. Ah pardon. D'accord. Et donc l'été, il y a plus de soleil. Parce qu'on est penché de 30 degrés en fait. Ouais, non, mais il y a plus. Voilà, le soleil arrive plus facilement et donc voilà, ça excite vos sécrétions sexuelles, votre cerveau aussi. Et plus c'est illuminé, vous avez plus envie de baiser. Ah oui, ça je te le confirme. Hein. Mais en ce moment, avec le temps de merde qu'il fait... Et toi, Cassim, c'est hiver-été? Ah moi, c'est tout le temps. Moi, j'ai toujours envie de baiser. On est toujours à 30 degrés, lui aussi. Hein. Ouais, d'accord. Merci Alice. Théo est avec nous. Il est d'Evreux. Bonsoir Théo. Salut toute l'équipe. Salut Théo. Salut Théo. Dis donc, tu savais que les saisons, c'était 30 degrés, là? Mais c'est la Terre. Bah non. Ah bah putain, t'as vu, t'apprends des trucs hein, tous les soirs. Hein. Ouais, ça c'est sûr, on apprend toujours des trucs sur Fun Radio. Ah, absolument. Ah bah voilà, à Théo, fidèle auditeur, tu nous appelles pourquoi toi, Théo? Je voulais savoir si vapoter c'était dangereux pour la santé. Donc j'ai utilisé une cigarette électronique. Est-ce que t'as déjà fumé? Parce qu'il a 14 ans en plus. Bah oui. Tu fumes des clopes? Pas quotidiennement, non, mais j'ai déjà tiré quelques coups. T'as tiré quelques lattes, mais tu voudrais arrêter pour te mettre à la cigarette électronique? Non, je voudrais savoir si vapoter c'était dangereux surtout. Ah, alors, c'est très clair. On est à peu près d'accord. La cigarette, avec le nombre d'alcaloïdes, de substances toxiques qui ne sont pas toutes répertoriées, il est évident que le danger est extrême et on sait maintenant de manière certaine qu'un fumeur sur deux mourra des conséquences directes du tabac, avec notamment un certain nombre de cancers. Attends, ça c'est une réalité. Je te coupe, Doc, mais il y a un truc que tu dis qui est vachement important, c'est-à-dire que tu dis qu'il y a plein d'alcaloïdes là ou je sais pas quoi là. Et il y a des choses dans les cigarettes qu'on fume tous les jours, enfin tous les fumeurs, qu'on ne connaît pas en fait. Exact. Putain, mais c'est pas normal. Bien sûr que c'est pas normal. C'est comme si on vous n'importe quoi acheter du beurre ou de l'huile parce que le mec a oublié de marquer. On va vous emmerder pour effectivement les parabènes, ça dépend lesquels, dans les produits de lavage. Mais là, la cigarette, ça passe comme une lettre à la poste. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de traçabilité. Mmh. C'est un scandale, c'est comme ça. Et alors, pour répondre à ta question, vapoter, c'est bien pour se sevrer du tabac, parce qu'il y a de la nicotine, et notamment pour ceux qui sont très dépendants au tabac. Si tu veux avoir plus de renseignements, tu vas sur Tabac Info Service, mais moi je te répondrai que, franchement, très sérieusement, il vaut mieux éviter les deux. Voilà. Mmh. Alors, comme toi, tu fumes pratiquement pas, je te recommande vraiment, ne passe pas ce pas, c'est ridicule, ça va servir à rien, je sais qu'il y a le geste, la convivialité, les copains qui font pareil, ça fait plus grand, ça fait plus adulte, tout ce qu'on veut, mais voilà, après, c'est une plaie pour toi. Bah ouais, après tu passes ta vie à vouloir arrêter quoi, c'est terrible. Pas tous, mais un certain nombre. Ouais, c'est clair. Et donc la cigarette électronique, tu recommandes pas, Doc? Bien sûr, il a 14 ans, mais est-ce que c'est moins dangereux? Bien sûr que c'est probablement moins dangereux, sauf qu'à son âge, c'est pas du tout fumé, c'est ça qu'il faut dire, c'est vas-y, voilà. Et alors, je vous recommande d'acheter des produits d'origine française et pas chinoise, car il y a eu des accidents et on ne sait pas ce qu'ils mettent dedans. Au moins, dans les produits français, on a la traçabilité, on sait à peu près. Mais il y a quand même des substances qui sont beaucoup moins nombreuses, mais pour laquelle on n'a pas de recul. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Donc pas de cigarette, par contre, la cocaïne, tu peux y aller, Théo. Non, arrête, ok, bah j'irai.

sur Fun Radio. Je continue pas l'émission. Pourquoi ? Je ne continue pas l'émission, Doc. Pourquoi ? Parce que je viens d'assister à un scandale. C'est scandaleux. C'est-à-dire que Doc nous parle de Katoche, sa nouvelle meuf, depuis quelques semaines là maintenant. Il nous l'a jamais montré. À l'instant, il vient de montrer la photo à Alice. Ouais. Et moi dans mon cul. Ouais. Et je vous dirai rien du tout, parce que pour la première fois qu'on partage un secret et tout, je me sens waouh. Ah ouais, putain, sans déconner, je peux pas la voir, Katoche. Non, bah, non, parce que tu vas tomber amoureux, elle est trop belle. Ah ouais ? Ouais, ouais. Putain, merde, je veux voir ta meuf. Vas-y, fais voir Katoche. Non. Chaque chose en son temps. Le chiant, quoi. Yanis est avec nous. Yanis, tu veux voir Katoche ? Yanis, t'es là ? Ouais. Bah ouais, non. T'as 15 ans, t'es il est chassieux dans le 69. Hein. Et Yanis, lui, il a un truc qui l'intéresse, c'est de poser une question à toutes les filles qui écoutent Love in Fun. Et qu'est-ce que tu veux savoir, Yanis ? Envoyer un texto ou un texto un peu chaud, est-ce que c'est trompé? D'accord, t'as envoyé quoi toi? Ouais. Moi j'ai envoyé genre sus à une copine. Pourquoi t'envoies ça? Pourquoi t'envoies ça? Bah parce qu'en fait c'est une vague copine qui m'a envoyé ça pour. Attends, là t'es sur Mars, tu peux essayer de revenir sur Terre. Ah, on t'entend pas du tout, Yanis, là, fais un effort, mon pote. Ouais, on m'a entendu là. Mais oui, voilà, c'est mieux, tu vois. Allez, Yanis, donc t'as envoyé un sexto à ta dissus, c'est ça? Ouais. Et donc moi j'ai répondu un autre texto un peu chaud. Ouais. Et ma copine a vu ça et elle m'a quitté. Mais évidemment, attends, c'est de la drague, hein. Justement, il y a débat. Fais-moi la main, je sais pas. Non, mais après, il y a différents sextos, quoi. T'as des sextos un peu charmants, et puis t'as des sextos du genre, vas-y, suce ma top, quoi. C'est quand même, c'est fait pour s'exciter, non? Ah bah là, oui, là, je pense, oui. C'est clair, on a pas mal de filles qui veulent réagir. Sabrina est avec nous de Saint-Etienne. Bonsoir, Sabrina. Salut. Bonsoir à tous. T'as un petit copain, Sabrina? Oui. Et imagine ton mec, il envoie des sextos à une fille, comment est-ce que tu réagis? Est-ce que tu trouves que c'est pas bien, c'est trompé? Alors pour moi c'est trompé, et il m'est arrivé cette expérience-là, et je me suis vengée. Mais attends, tu racontes ce qui s'est passé exactement, qu'on sache un peu? Eh ben, en fait, j'ai fouillé dans le téléphone de mon conjoint à l'époque, et je sais c'est pas bien. Oh. Et en fait... Et en fait, j'ai vu un texto qui dit, en fait, mon mec donnait rendez-vous à cette gonzesse. Et pour me venger, ben, j'ai couché avec un garçon. Et en fait, quand il est venu le dimanche, il m'a dit, je t'ai trompé. Et en fait, moi, je lui ai dit, moi, je t'ai trompé avant que tu me trompes. Oh. Et du violence, des rapports. Non, mais c'est quoi? C'est une guerre, l'amour, ou c'est quoi? Bah, attends, elle a eu raison. C'est une guerre, le non, couple. Mais en même temps, je le savais. Donc, je veux dire, je veux pas me laisser faire. Lui, il était fou, et moi, je lui ai dit... C'est ça, le mec trompe et il apprend que sa copine le trompe, et là, il est en colère. Ouais, c'est ça, c'est ça qui est terrible. Il était fou, et il m'a fait marrer, parce que je l'ai vu, il était vert, il m'a dit, ouais, t'es une salope. Je lui ai dit, ouais, mais en attendant, c'est toi qui as commencé, t'aurais jamais dû jouer avec ça, avec moi. T'as bien joué, ça. Et donc, vous êtes séparés. On s'est séparés, mais gros coup le gros coup de poker, quoi. Je le savais, je le sentais, donc je l'ai fait avant lui. Ouais, parce que imagine, il avait pris rendez-vous avec cette meuf pour t'offrir un cadeau pour la Saint-Valentin, j'en sais rien, tu vois, ou pour un anniversaire. Dis-moi, juste là, quand tu l'as trompé, t'as couché avec un autre mec, t'as pris ton pied ou pas? Non, pas du tout. Ouais, c'était juste sa manière de lui dire, voilà. Ah, c'était juste vraiment pour. Ouais. Dans ces cas-là, prends des selfies. Tu vois, tu lui montres et tout après, pour bien lui mettre la haine. T'es pas obligé de coucher avec le mec, La prochaine fois, c'est ce que je ferai. Ah oui, j'espère que ça t'arrivera pas, surtout. Franchement, j'espère. Reste avec nous, Sabrina. La confiance dans un couple, c'est important, quand même. Erika, du Havre. Bonsoir, Erika. Oui, salut, bonsoir, Erika. Bonsoir, tout le monde. Salut, Erika. Alors, toi, est-ce que tu as été aussi victime d'un SMS un peu chaud? Ah non, non, non, parce que moi j'aurais fait comme la meuf de Yanis, c'était mort, direct. Parce que certes, pour moi, c'est pas vraiment trompé, mais l'intention y est, donc c'est pareil. Ouais, je pense que t'as raison. Est-ce que tu penses pas que parfois il y a des mecs qui font ça juste pour séduire, sans tu le fais, toi? Sans beaucoup Je suis pas une passerelle. Non, mais attends, Karel, tu le fais, toi? Mais attends, je parle pas de ma situation personnelle. Non, mais en général, t'es amoureux d'une fille, est-ce que tu vas envoyer un sexto à une autre fille? Non. Bah voilà. Non, mais la réponse, si tu te fais chier avec une fille, est-ce que tu envoies? Aujourd'hui, si t'es pas amoureux d'une fille, t'es avec une fille, est-ce que t'envoies un sexto? Oui. Non, mais je l'ai fait. Ah bon? Je le fais plus, mais je l'ai fait. C'est vrai, mais c'est pas pour autant que j'allais tromper ma meuf, quoi. C'était juste pour voir si je pouvais plaire à la fille, quoi, tu vois. Et oui, si Et puis en plus, par texto. C'est dangereux comme jeu. Mais par texto, c'est souvent hyper virtuel, le truc. Tu vois, tu la connais même pas, la personne, tu vois. Donc, Après, enfin voilà, s'il y a des différences. Alice, t'en penses quoi? Bah écoute, moi je pense que c'est pas vraiment trompé, mais c'est sur prémices. la bonne voie voilà. En fait. Donc ça dépend si c'est à la rigolade, si c'est vraiment. Enfin, je pense que on peut dragouiller, mais enfin si, si c'est un mot. Tu le fais toi? Pas spécialement, mais à partir du moment. Un peu quand même. Hein. À partir du moment où ça. Oh mais Doc, c'est incroyable. Est-ce que tu l'as fait? Fais gaffe, n'emmerde pas, sinon elle va me dire comment il catoche. Dis-moi. Avec Kassim? Si tu l'as fait avec Kassim. Non mais attends, mais n'importe. Mais Cassie, mais c'est même pas si j'ai. Enfin, j'ai à peine son numéro, tu vois. Ouais, c'est le genre de mail. Elle m'a envoyé quelques photos, par contre. Hein. N'importe quoi. Non, mais je pense que, franchement, ça dépend. Après, c'est clair que si tu vas clairement parler de cul avec une meuf ou avec un mec par message, en imaginant ce qui pourrait se passer, limite vraiment faire du sexe par téléphone, là, je pense que c'est trompé, quoi. Ah, c'est bien. Bah, ça. Oui. En tout cas, ça commence comme ça. Ah, bah oui, là, carrément. Il y a même pire quand tu as la personne au téléphone et que tu fais l'amour au téléphone. Ah, oui, par non, exemple. Mais là, c'est chaud. Tu te masturbes au téléphone avec elle. Où t'as une caméra et t'en profites. Il y en a qui font ça aussi. C'est pas faire l'amour au téléphone, c'est se branler avec un appareil de téléphone dans une main et le sexe dans l'autre main. Là, il y a une relation. Ah oui, ça reste une relation, même si c'est virtuel, il y a une relation. Erika, t'imagines ton mec qui le soir, voilà, t'es pas là, il va se mettre sur Skype avec une autre meuf pour se masturber, quoi. Oh là là. Non, j'imagine pas. Il y a des mecs qui font ça. Non, mieux pas. Il y a des mecs qui font ça. Cindy aussi est là, 24 ans de Lens. Salut Cindy. Hey. D'ailleurs, on parle que des mecs, mais il y a aussi des filles qui font ça. Hein, évidemment. Qui font des sextos. Pas toi, Cindy, toi, t'es fidèle. Ah oui, moi, fidèle dans l'âme, en amitié, en amour, en famille, tout ça. T'as un mec ou pas, toi, Cindy? Alors, moi, je suis en procédure de divorce, justement, à cause de ça. À 24 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, t'es jeune. Alors, en fait, la première fois, il avait envoyé des SMS à une fille beaucoup plus jeune, puis il avait envoyé une photo de son attribut masculin en forme. Ah, ça tub. Ouais, donc je lui ai laissé une deuxième chance. Comment t'as su comment t'as su? T'as découvert la tub? En fait, non, pas du tout. Il voulait changer de numéro, puis j'ai mené mon enquête, puis j'ai réussi à voir la fille en question, j'ai vu les messages, j'ai tout vu. Quel âge elle avait? 16 ans. 16 ans. Wow. Et il en avait combien, lui? 22, 23? Un enculé. Ouais, il allait 128, ouais. Et je lui ai laissé une deuxième chance et il a recommencé avec sa soi-disant meilleure amie. Non, mais c'est ça, la deuxième chance, ça sert à rien, les amis. Mais il a encore envoyé sa teub en photo? Non, elle a essayé de la chauffer puis de faire du rentre dedans. Comment il a réagi quand tu l'as largué? Ah ben mal, hein, il voulait pas que je parte tout ça. Il m'a dit, en fait, de toute façon, je t'ai pas trompé. Excusez-moi, mais comme on dit, c'est l'attention qui compte. Hein. Puis en attendant, c'est pas fait parce qu'il s'est mangé des râteaux deux fois. Ah oui, c'est ça. C'est qu'en fait, s'il avait eu moyen, il l'aurait fait, quoi. En plus, il était content, il pensait avoir deux coups. Puis au final, il a plus rien, il a plus de route de secours, il a plus rien. Forcément. Et toi, t'es tout seul, là, maintenant? Bah ouais, je suis retournée vivre chez mon papa, avec nos enfants. Ah, quand même. Ah oui, parce que à 24 ans, t'as déjà des enfants. Combien? Deux enfants. Ah ouais? Mais vous êtes mariés à quel âge? On s'est mariés il y a 2 ans. D'accord. Et ils ont quel âge, tes enfants? Alors, le premier, il va sur 3 ans au mois de novembre, et le deuxième, il vient d'avoir 1 an. D'accord. Donc, vous avez enchaîné. Bah, écoute, bon courage à toi, Cindy. En tout cas, tu sais ce que tu veux et t'as l'air franche. C'est une qualité. Je pense que tu retrouveras un jour un homme qui t'aimera. Toi et tes enfants. Bien sûr. Bah, on verra bien, on le souhaite. Bah, on te fait des gros bisous en tout cas, nous. Et merci beaucoup d'être venu ici partager un petit peu ton histoire. Erika et Sabrina, pareil, vous raccrochez pas les filles. Gros bisous à toutes les trois. Et on sera dans un instant avec Jean-Philippe. Oui. T'es là, Jean-Philippe? Oui, je suis là. Salut, Jean-Philippe. Salut. T'es à Belfort, toi? Oui. J'embrasse tous ceux qui sont du côté de Belfort dans la région aussi. Les Belfortins. Mais bien sûr, les Belfortins, les Belfortaines. Merci. On les embrasse très très fort. Et Jean-Philippe, tu nous appelles pourquoi? Pourquoi après la gymnastique, on a plein de cours battures de partout. Bonne question, je t'ai expliqué. Jean-Philippe, oui. Tu l'as noté ta question sur un bout de papier là? Oui. Ah, ou alors t'as plein de cours battures. Ah oui. Ou un orgasme. Ah là, j'ai l'impression, ouais, c'est vrai que tu viens de jouir en fait, et là, t'es un petit peu. J'ai un peu le stress, c'est pour ça. Et tu détends, on est en famille, on est tous ensemble autour de la table. Jean-Philippe, je te sers un petit bol de cidre. Voilà. Hein? Allez, reste avec nous, je te fais un petit bol de cidre. On se retrouve dans un instant. On va écouter Imani ensemble. T'aimes bien ou pas, Jean-Philippe? Attends, coupe Imani. Oui. Coupe Imani. T'aimes bien ou pas? Oui. Bon, bah, c'est bon, on va l'écouter. Tu restes avec nous, Jean-Philippe. Tant de bisous, okay. Blow up the fire, don't be so shy, you're right,

sexe, de l'amour et du fun. Loving Fun. 01 42 48 5000. 20h, 22h. Sur Fun Radio. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue. Bienvenue sur Fun Radio. Qu'est-ce qui va sortir encore ? C'est l'événement ce soir sur Fun Radio. Car oui, oui, Doc nous a montré Katoche. Ah bah dis donc, je savais pas que ça pouvait entraîner autant de... Ça y est. Autant d'hystérie. Ouais. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'en plus, elle est pas mal du tout. Bah évidemment, clairement. Sans déconner. Bah ouais. Putain, c'est pas possible ça. On a vu ta meuf, Doc. Ouais, bien sûr. Ah, maintenant, quand est-ce que tu nous la présentes ? Ça va venir, attends. C'est marrant parce qu'en plus, elle me rappelle quelqu'un avec qui je suis sorti il y a pas si longtemps. Ça reste rien. Je suis tranquille. En fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'il est déjà passé avant toi. Non. On dépasse les limites. En amour, ce qui passe avant toi, ça te regarde pas. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, t'as raison. Ça t'arrange bien. Allez, Jean-Philippe. Tout le monde. Jean-Philippe est avec nous. Salut, Jean-Philippe. Salut. Salut, Karen. Salut, Doc. Salut, Jean-Philippe. Pourquoi tu chuchotes comme ça, là ? Tu peux pas parler ? Oui. Je suis avec mes écouteurs. Sous la couette, et papa et maman sont à côté. Mais c'est ça, Jean-Philippe, t'es à Belfort, toi, et tu nous appelles pourquoi ? Car demain, j'ai gym. Oui. Et comme je fais du handball, après j'ai plein de courbatures partout. T'as des courbatures ? Alors, je vais t'expliquer. C'est très simple. Lorsque tu fais un exercice, ton muscle va consommer beaucoup d'énergie et beaucoup d'oxygène. D'accord ? Seulement, voilà, il arrive que le muscle soit un petit peu, consomme trop d'énergie et n'arrive pas à s'oxygéner bien. Donc les cellules vont souffrir un petit peu, vont produire ce qu'on appelle de l'acide lactique. Ouais. Qui est un acide assez, qui dégénère ces douleurs. Le temps que ça s'élimine, ça disparaît. Donc c'est tout, c'est tout. Et avec l'entraînement, évidemment, les courbatures s'amenuisent de plus en plus. C'est les gens qui sont entraînés. C'est pour ça qu'il faut de l'entraînement dans le sport et pas faire du sport occasionnellement. Moi j'ai une petite question, c'est valable pour surtout la musculation, mais pour tous les sports la course, le sport. Par exemple, quand on va à la muscu, en fait, on a hyper mal, c'est pareil, c'est des courbatures, mais en fait, on détruit son muscle pour le reconstruire après, c'est ça hein ? Non, tu stimules, mais le muscle il doit s'oxygéner, si tu le fais beaucoup plus travailler, il demande plus d'oxygène, s'il en manque un petit peu parce que le système vasculaire ne suit pas, bien voilà ce qui se passe, il faut qu'il y ait une adaptation à chaque fois. Il faut boire beaucoup d'eau, pour bien s'étirer. Exactement, ça boire beaucoup d'eau, c'est important, ça aide aussi à diminuer tout ça. C'est pas grave du tout, surtout. Jean-Philippe, j'ai fait du sport à haut niveau, je peux te le dire, c'est important. Okay. Et Jean-Philippe, sois joyeux, tout va bien, on est ensemble, là, tout se passe bien. Ça va, t'as les casques sur les oreilles, c'est ça les écouteurs ? Ouais, c'est ça. T'es où là Jean-Philippe ? T'es dans ta chambre ? Oui. T'allais te faire une petite masturbation avant d'aller te coucher là ? en pensant à qui, tu allais regarder une petite vidéo, t'allais faire quoi ? Bah, je sais pas trop. Ouais, détends-toi, va. Je pense que je vais continuer à vous écouter. Ouais. Ça c'est déjà pas mal. Et tu te finiras avant d'aller te coucher. Ok. Écoute, fait exactement ce qu'il veut. Tu reviens quand tu veux. Je pourrais avoir un Paclovin Fun. Oui, bien sûr. Y a pas de souci. T'es hyper stressé, Jean-Philippe. Je crois qu'il y a un petit bégaiement. Peut-être. Mmh. Jean-Philippe, tu reviens quand tu veux, en tout cas, sur Fun Radio, et on t'envoie ton Paclovin Fun. Merci beaucoup d'avoir appelé, Jean-Philippe. Salut, Jean-Philippe. Au revoir. Salut à toi. Ciao. Et Elliot est avec nous. T'es là, Elliot ? Salut, oui. Elliot. Oui. À Saint-Michel-sur-Orge. Dans le 91. Oui. T'as, sans déconner, tu connais toute la géographie par cœur, toi. L'Essonne, c'est ça hein ? Bah oui, c'est ça. Bah voilà, c'est ça. L'Orge, c'était une petite rivière qui passe dans l'Essonne. Enfin bon. Bien sûr, est-ce que tu peux nous parler de cette magnifique rivière, Doc ? Rivière de diamants. Elliot, tu appelles pourquoi ? Elliot. Allez-y, il y a des t'écoute. Diamants, allez-y. Ouais. Oui, en fait, j'appelle pour draguer Alice. Ah, bon, bah voilà! Écoute, on s'en va. Bah, non, hein, on revient demain. Eh ben, bonne chance, mon gars! On la laisse tous les deux ensemble, vas-y. Ouais, non, c'est pas que je sois jaloux, mais pourquoi tu veux draguer Alice? T'as quel âge? Parce que je veux qu'elle sorte avec moi et tout. J'ai pas l'impression que t'es 18 ans, t'as pas un peu moins, non? Si, moi j'ai. Non, j'ai 18 ans. Ah, 14-16, tu peux pas dire 14-16. Ouais, Elliot, t'es né en quelle année? Je suis né en 1997. Voilà, faites le calcul. C'est 18 ans. Ça fait 18 ans. C'est l'âge de mon fils. Alors, on te passe Alice. On n'est plus là, on vous laisse tous les deux. T'as 3 minutes. Hein. C'est parti, Elliot. Vas-y. Salut, Elliot. Ça va ? Et attends. Va. Interdiction de se toucher la teub. Hein. Ah, mais je te laisse faire le boulot. Hein. Tu te débrouilles. Hein. Ça te dirait de sortir avec moi. Alors écoute, ça dépend, t'es quel signe astrologique? Parce que alors, moi je trouve que c'est super important. Hein. Je suis Gémeaux. Ah Gémeaux, c'est un peu, t'es bipolaire un peu, non? Oui. Ah ouais, bon bah alors tu sais pas trop te vendre je crois. C'est quoi tes qualités? Ouais. Bah mes qualités c'est la musique. Ah, ouais, ah d'accord, mais moi je voudrais savoir, Ayotte, ça fait combien de temps que t'es amoureux d'Alice? Bah, il est pas amoureux. Bah, si, si, depuis si. Qu'elle est arrivée sur Love in Fun. Est-ce que tu penses à elle la nuit? Oui. Est-ce que lorsque tu te caresses, tu penses à elle? Oui. Ah bah mon père va être content. Est-ce que parfois quand tu branches le site de funradio.fr, quand Alice parle et qu'elle est à la caméra, tu fais un petit imprimé écran pour avoir une petite image d'elle pour pouvoir... Oui, à chaque fois. Oh, à chaque fois, bah je sourirai plus souvent. Hein, tu sais que c'est quand même un peu flippant, Elliot. Bah non. T'es jamais tombé amoureux d'une autre fille? Oui, je suis déjà tombé amoureux d'une autre fille. D'accord. Tu n'as découpé personne. Il lui arrivait quoi? Tu n'as jamais découpé personne dans ta cave, quand même, Elliot. Non. Ah. Ça, c'est parce que j'ai pas de cave. C'est... On a Dexter au téléphone. Elliot. C'est des choses qui arrivent, Elliot, sauf que c'est virtuel, c'est un amour, belle histoire d'amour que tu t'inventes. Et combien s'en invente? Pourquoi pas? Sauf que c'est pas la réalité. Ah bah là, parce tu que viens je peux dire, Alice, son... je te dis tout de ah suite. Ah non, dans la vraie vie, je suis une vraie connasse, hein, tu sais. Non, je te plairai pas du tout. Dans la vraie vie, elle est pas disponible, donc t'es mort. Et alors, c'est portable. Elliot, moi j'ai... Il y a un mec sur le coup, donc t'es... Voilà, je suis en stand-by, là. J'ai envie de te faire une proposition, Elliot. Viens au moins assister une fois à l'émission. Ah oui. Hein? Ok. Tu viens? On te met au fond du studio, hein. Oui, bien sûr. Et tu sortiras pas ta quéquette pendant l'émission, hein. Arrête, hein. Non. Oh, mais je te fais confiance, Elliot. Donc, tu sais quoi? Bah, on t'invite à venir assister à l'émission. Comme ça, tu verras Alice en vrai. Ok. Ça d'accord. Mais interdit de toucher. Ouais. C'est ça. Salut, Elliot. Bisous. Salut. Ciao à toi. Il est content. Il est super content. Et Roméo est là aussi. Bonsoir, Roméo. Salut, Roméo. Salut tout le monde. Salut, Roméo. T'as 20 ans, t'es à Belleville. Ouais, ça va. Tranquille, t'appelles pourquoi toi, Roméo? Alors moi, j'appelle parce qu'en fait, j'aimerais savoir la taille moyenne du pénis à 20 ans. La taille moyenne du pénis à 20 ans, c'est pas la même qu'à 19 et qu'à 21, ça c'est sûr. Ah ouais, bah, tu bouges pas, on va en parler dans un instant. En attendant, comme promis, montez le son pour écouter Imani. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. You feel my heat on your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side, I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, in the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right. Fanny sur Fun Radio. Don't be so shy. Love in fun. 20h-22h sur Fun Radio. 01-42-48-5000 Love in Fun tous les soirs 20h-22h du dimanche au jeudi. Il reste encore quelques minutes, on va en profiter pour accueillir Roméo, 20 ans de Belleville. Bonsoir Roméo. Salut Roméo. Bonsoir. Salut Roméo. T'es où là? T'es dans ta voiture là? Ouais, je suis dans ma voiture. D'accord, et tu t'es arrêté pour poser une question? Arrêté non, parce que je peux pas, je suis sur l'autoroute, mais... Ouais, bon, on n'a rien dit. C'est quoi ta question? Alors, j'aimerais savoir la taille moyenne du pénis à 20 ans. À 20 ans et en érection, en tout cas à la fin de la puberté, à l'âge adulte, quel que soit l'âge, la taille moyenne est de 14 cm. Cela dit, il y a des variations de 9, 10 cm jusqu'à 20, 24 dans certains cas exceptionnels. Mais voilà, c'est tout. Et puis après, le diamètre. Pourquoi tu poses cette question? Bah oui. Comme ça, c'est pour savoir. La tienne, elle fait combien? Bah oui, t'as 20 ans, toi. Combien elle fait? 22. 22. Ouais, ah oui. Oh, bah en là, fait, pas... il appelait juste pour. C'est ça, pour te raconter. Tu as une petite dédicace à faire, là? Roméo, oui. T'es sûr qu'elle fait 22? Oui. Ah ouais? Et comment ça se passe avec les filles quand elle fait 22? Ouais. Bah, bien. Bien. Bon, t'as jamais effrayé une fille de toute ta vie? Pardon? T'as jamais effrayé une fille par rapport à la taille de ton sexe? Bah, non. D'accord, parce que généralement, quand elle fait 22, il faut quand même y aller tranquillement, quoi, mollo. Hein. Bah, ça rentre, tout ne va pas rentrer. Ça, bah, c'est voilà, c'est sûr. Et puis, faut bien lubrifier parce que c'est quand même une tanasse. Ouais, hein. Qu'elle soit petite ou grosse, c'est pareil. Bah, lubrifier aussi. Oui, non, mais bien sûr, Doc. Mais bon, moi qui connais ce problème-là aussi, tu vois, je sais que. Tu veux dire, tu bourres pas comme un bourrin. Non, mais j'ai pas envie d'en parler, j'ai pas envie de me vanter. Tu vois. Bien sûr. C'est ça, quoi. Mais je sens qu'il est concerné par un problème que j'ai. Tu t'es fait larguer plusieurs fois, ça doit être pour ça, finalement. Ah, mais peut-être, ouais. Non, mais Roméo, tout va bien, 22 cm, c'est presque la taille pas idéale, mais c'est pas mal. Hein, tout va bien. D'accord. Ouais, d'accord. Tu es normal. Et ton pote à côté, il fait combien? Tu fais combien, toi? 18. Ah, au 18. Tu sais, il y a aussi des mètres qui sont extensibles. Ah ouais, c'est ça, ouais. Et donc, tu arrives à de, voilà, ah, mais 18, même, 22... Ah mais même quand tu mesures, tu peux te rajouter 2-3 cm facile, hein, en te donnant la peine. Hein. Ouais, voilà. Ouais, non, mais bien sûr. Bah écoute, Roméo, tu reviens avec ta grosse bite mais quand bon, tu c'est veux. Pas grave, oui. Hein, salut, mon pote. Salut, bonne soirée à tous. Ciao et à demain Roméo, si tu rappelles hein, bien sûr. Nous on va vous retrouver dès demain. J'avais quand même un truc à dire important, c'est pour le jeu des stickers. Alors ah, si ouais. Vous voulez voter, il faut carrément aller sur le site de Fun, c'est ça, c'est loveinfun.fr. Exactement, sur loveinfun.fr, on a sélectionné voilà les 15 photos qui ont été les meilleures pour le jeu des stickers. Donc maintenant c'est à vous de jouer et de voter pour la photo que vous préférez et les personnes qui votent peuvent aussi gagner des cadeaux. Il y a un iPod Nano, et plein d'autres cadeaux cool. Donc ça c'est cool, vous votez, vous pouvez gagner un petit cadeau et vous allez faire un heureux puisque la personne qui gagnera le grand jeu des stickers va passer une journée avec nous et on va lui offrir un iPod aussi. Un iPad mini. Pas pareil. Ah bah bien sûr, c'est pas pareil. Et d'ailleurs, cette semaine, on va vous offrir une tablette du Doc. Ah oui. Parce que j'en ai plusieurs en magasin. Oui. On vous a offert le téléphone portable du Doc. On va vous offrir la tablette du Doc. Et elle est bien en plus. Il y a trois. J'ai failli en ramener une chez moi. Oui, il y a trois tablettes. Mais bon, j'ai pensé aux auditeurs. Il y a deux tablettes Asus et une tablette Asus. Ouais, Asus, ouais. Tu l'adores celle-là. C'est ta préférée. Ouais, évidemment. Hein. Ouais. Ah oui, ah, bien ouais, sûr. Ouais. On va vous retrouver dès demain sur Fun Radio, 20h-22h. Et ce sont les filles qui débarquent. Elles sont là, les filles. Marion et Anso. Salut, les filles. Vous allez bien? Je suis venu avec Anso aujourd'hui. Ouais. On est arrivés ensemble. C'était bien. Ah, je l'ai vue, elle était dans la rue, seule, en train d'écouter une petite musique dance floor. Ouais, tout à fait. Mais attends, je vais tapoter. Pardon. Il m'a tapoté sur l'épaule et tout à coup, mon sang n'a fait qu'un tour. Carrel. Mais un jour, il va falloir concrétiser hein, les deux. Hein. Ouais, mais est-ce que c'est pas ça qui est le plus kiffant, en fait, de rester comme ça, de sur une espèce de tension sexuelle? Ouais, enfin, c'est sûr. Ouais. Et c'est chiant cette déco, je vois pas les filles. Mais ouais, c'est relou. Putain, on a une décoration, franchement, qui a fait la déco? On est d'accord ou pas? Non, attendez, il faut qu'on fasse des snaps. C'est... Il faut que vous fassiez un snap en studio 2 parce que le studio 2, c'est raté. Hein. C'est dégueulasse. Ah, non, c'est une déco à base de photocopie. Voilà, c'est ça. En fait, on est là-dessus. Ouais, enfin, avec ce qu'on a. Hein. On est sur du drapeau, quoi. Hein. On fait une émission où on donne des cadeaux du Doc. Hein, c'est-à-dire que c'est ses propres cadeaux, ses propres objets à lui qu'on offre. On est raccord avec la déco. C'est un concept, oui. C'est ça. Bonne émission, les filles. Merci. Amusez-vous bien, ciao, à demain. Tous les soirs, il y a une émission. 22h minuit. Marion et Anso, The Night Show, sur Fun Radio. Bon dimanche soir tout le monde, c'est Marion et Anso, le Night Show. Il est 22h02, on est en direct et on commence la semaine, ça y est, du dimanche au jeudi, on est là tous les soirs nous. Parlez-en autour de vous, c'est le Night Show, une émission de dingue avec des gens de dingue, une équipe super et des auditeurs au top, ça nous fait bien plaisir de vous retrouver ce soir en tout grave. Cas. Ah, grave de ouf. Juste avant quand même de commencer cette émission, j'aimerais avoir une pensée pour les États-Unis et pour Orlando. Ouais, si vous avez suivi l'actualité, vous avez vu que c'était la merde. Voilà, il y a une cinquantaine de morts suite à une fusillade dans une boîte gay. Donc, on pense à eux. Eux, ils ont été là pour nous, les États-Unis, pendant les attentats. Ouais. Tu te rappelles, hein, il y avait la Marseillaise qui retentissait dans leur match à eux, tout ça. Ils ont été au top. Du coup, nous, c'est obligatoire. Pensez pour tous les Français qui sont là-bas et pensez même pour les Américains qui comprennent le français. Bon voilà, courage. On vous embrasse, les potos. Bisous. Comment ça va, Anso? Très bien, ma foi. Hein. Week-end patriote. Week-end sous les couleurs des bleus. C'était bien pour le match. J'ai vibré moi vendredi soir. Hein. Moi aussi, j'ai eu peur parfois. Bah attends, la première mi-temps était compliquée, mais bravo les bleus, franchement c'était un match de ouf. Et Payet, mon champion. Et tu sais qu'en plus c'est un ancien joueur du FC Nantes. Allez, donc, je crois que grâce à ça, nous allons gagner la Coupe d'Europe et grâce à ça, Nantes va gouverner le monde. Voilà, tout simplement. Le prochain match, ce sera mercredi soir, on va le suivre en direct ici, non? Évidemment, évidemment. Lourd. En tout cas, merci les Bleus parce que vous nous avez fait kiffer. C'était, voilà, on a fait vivre ça sur les réseaux sociaux Marion et Anso. C'était énorme et je crois que tout le monde était devant sa télé. Hein. Ah oui. Je sais pas combien ça a fait de score en audience le match. Mais... Ça a fait 14 millions. Ah bah putain. Ah seulement, je m'attendais à plus. Ouais, c'est quand même pas mal. Hein. C'est beaucoup, mais bon, on est quand même 70 millions quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Non mais, vu comme ça, d'un coup, ça. Ah ouais, c'est sûr. Non mais c'est vrai, c'est ou pas moche. Et du coup, ouais, c'est vrai. Ouais, mais il y a plein de télé qui sont pas comptabilisées. Ouais. Enfin, il y a plein de choses, tu vois, qu'il faut prendre en compte. C'est la France seulement, ça. Bah oui. 14 millions. Oui, c'est qu'en France, ouais. C'est que sur TF1. C'est bon. Un beau score quand même. Ah oui, bravo, bravo. Ah bah ouais. C'était un grand moment d'émotion et nous, ça nous fait kiffer. On reparlera évidemment du foot dans cette émission. Bien sûr. Et puis ce soir, dans l'émission, il va y avoir un nouveau truc. Ce sera les lettres de motivation du Night Show, puisque Amir, Enzo et Mano vont devoir nous convaincre, Marion et moi, et bah de rester l'année prochaine, si bien sûr nous sommes également choisis pour rester. Voilà, en fait tout ça est supposition, c'est-à-dire que s'il y a une saison 2... on verra si on garde les garçons et c'est à eux de nous convaincre. Ils ont bossé. Je crois qu'il y a de la surprise. Je crois qu'il y a de la mise en scène du côté d'Enzo. Ça devrait être sympathique. Bon, et puis on aura aussi Ludo avec nous qui se demande s'il a un problème. Je vous le dis, vous me dites oui, vous me dites non. Dis-nous. Il adore porter les sous-vêtements de sa copine. Voilà. Ouais, voilà, vous nous faire un jugement et. Ok, Mano a résolu. Éventuellement de nous appeler si vous avez des conseils. 01 42 48 5000. Et puis sachez aussi que vous allez gagner vos smartphones Sony Xperia M5 dans le Je te demande pardon. C'est l'occasion de la Soch Freestyle Cup. Ce sera du 21 au 26 juin à Marseille, plage Borély, avec Fun Radio. Ils sont beaux. Ouais, c'est un téléphone de folie. Merci Sony, dis donc. Ah oui, merci Xperia. Pour le son, on reste dans le foot. On va s'écouter l'hymne avec David Guetta et Zara. Et d'ailleurs, juste l'équipe, qu'est-ce que vous avez pensé du show d'ouverture? On est d'accord qu'on était sur une ringardise un peu. C'était une kermesse en live. Non, les gars, si. Vous abusez, franchement. Arrête, c'était naze. Guetta, c'était non. Ouf. Guetta, c'était ouf, mais avant, les danseuses et tout, arrête. Ah non, non, non, mais franchement, moi, j'ai trouvé les artistes hyper bien. Je reviendrai pas sur la prestation de Will.i.am, qui effectivement était... Surtout qu'en plus, ils ont mais passé... Mais non, pas ça. L'ouverture. L'ouverture. Dans le stade. Avec les danseuses de French Cancan et tout. J'ai pas vu, moi. Ah non, c'était une catastrophe. J'ai raté, moi. Quand je vous dis c'est une kermesse, c'était pas une blague. Ah ouais, ouais je vous jure. Franchement, c'est cool d'avoir tenté un dos, mais c'était pas très moderne quoi. Bah, French Cancan, bon, c'est cliché quoi. C'est un peu cliché. Ouais. Mais Guetta est toujours là pour sauver le dos. Qu'est-ce que je te dis? Il est toujours là, celui-là. Il est là, ma Guetta. Et alors, aussi DJ Snake ce soir dans l'émission. Ça s'appelle Talk et on kiffe ce son. Amir des réseaux sociaux, bonsoir. Salut les filles. Comment il va? Il va bien, il a passé un bon week-end, Suzy. Et alors, Amir, non seulement il a passé un bon week-end, mais aujourd'hui, il est tout en style. Ah ouais. Il est swaggy. Et attendez, parce qu'il faut qu'on vous explique, c'est qu'on s'en est rendu compte assez tard, je dirais, dans le bureau. On s'est retrouvé vers 16h aujourd'hui. Ouais, ouais. Et on s'en est rendu compte aux alentours de 20h, ce qui m'a valu l'un des plus gros fous rires de ma journée. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, il avait un sweat, donc on pouvait pas voir avant. Ouais. Et à un moment donné, le gars a eu chaud et a enlevé son sweat. Et là, on s'est rendu compte qu'il avait un t-shirt. Niels Van Zandt, Party Crasher. Oh mec, non, mais il faut qu'on mette une photo sur les réseaux sociaux, c'est quand même... Mais cela dit, Nils va être hyper content. Hein. Bah oui, il va être content. D'accord. Et, alors, ça veut dire quoi les filles, là, quand vous vous moquez de moi comme ça? Non, moi j'ai ri parce que j'étais surprise. Après, ils sont kiffants, ces t-shirts, ils sont noirs. Tu rames un peu, là. T'es gêné, hein. Mais non, mais... T'es gêné, hein. Je suis désolée, ça fait t-shirt promotionnel. Tu sais que non, tu reçois en boîte. Mais non, c'est juste qu'on était dimanche, j'étais chez moi, il y avait de la pluie. Et je me suis dit, putain, ça me saoule. De toute façon, le dimanche à la radio, il y a personne. Attends, t'es en train de me dire que t'as voulu porter de la merde. Parce qu'il pleuvait. Non. Je me suis dit, ça me saoule d'arriver en jean et tout. Je vais pas mettre une chemise un dimanche, ça, franchement, ça a aucun but. Donc je me suis mis, allez, vas-y, en mode jogging comme Enzo, tu vois. En mode jogging style, ouais. Tu vois, c'est le jogging Nike là. En tout cas, vous faites des efforts pour nous faire plaisir, nous les meufs, c'est bien les garçons. Ouais, on s'en fout, ça va. Bon, est-ce que t'as bossé sur les réseaux sociaux au moins? Est-ce qu'il y a du nouveau? Est-ce qu'on grimpe? On grimpe. On grimpe surtout sur la chaîne YouTube Marion et Anso Gaming. C'est bien ça. C'est la chaîne qu'il faut y rejoindre. Bah, et tout, c'est encore un petit bébé. Hein. Oui, c'est un petit bébé. On est un petit 2000. Là. Enfin, c'est un 2000, moi je le vois 2000, il y a écrit 1005. Mais il faut partager à mort les vidéos. Ouais, faites-nous kiffer, partagez, faites-nous décoller ça. Et plus vous ferez décoller la chaîne, plus on fera des vidéos kiffantes pour vous et avec vous, parce que nous, on vous invite sur cette chaîne. Ouais, il y aura plein de trucs de prévus. Et ce week-end, je suis parti voir le match dans un hôtel hyper cool à Paris. Et je me suis retrouvé dans une table avec des blogueuses. Mais je vous déconseille de votre vie d'être à côté de blogueuses. Pourquoi? Mais c'est pas des blogueuses connues, hein. Elles avaient 700 abonnés. Bah pourquoi? Parce qu'en fait, elles ont ramené un plateau de bouffe. Et pendant peut-être 5-10 minutes, la meuf prenait le plateau en photo et je pouvais pas bouffer. Ah ouais, bah oui. Vie de blogueuse, quoi. Ouais. C'est logique, hein. Instagram tout, quoi. Qu'est-ce que c'était chiant. Ouais. T'as une vie compliquée quand même, Amir. Hein. Mais bon, tu as un t-shirt Nils Van Sant. C'est le principal. C'est bonsoir, Mano à l'arrière. Bonsoir. Super. Hein. Ça va? Ouais, ça va. Week-end reposant à Nantes. Non, mec, c'est pas reposant du tout. Il est allé faire la teuf avec l'équipe de Bruno dans la radio qui sont allés mater le match chez un auditeur à Nantes. Ah, il s'est endormi partout en boîte, c'est ça l'histoire? Il s'est endormi en boîte, ils ont fait un Bruno dans ton club après. Le gars dormait comme une vieille merde. Non, mais mec, t'étais bourré? Non, pas du tout. Bah, c'était week-end bleu, blanc, rouge, mais le blanc et le rouge, c'était du vin. C'est ça, c'est quoi. D'accord, on demandera à Bruno quand même s'il y a d'autres dossiers, hein, tu le sais. Bah, j'ai des photos, moi, les gars, hein, donc pas de soucis. Bonsoir, Enzo. Ouais, je trouve que Mano, il est très drôle, hein, vraiment. Ferme ta gueule. Ah non. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Vraiment. Ouais, j'ai passé un bon week-end, j'étais content pour l'équipe de France. Maintenant, j'attends demain pour l'Italie, parce que moi, je suis d'origine italienne. Ouais. Et voilà, sinon... Mais bon, d'ailleurs, week-end. Petite question, s'il y a un match France-Italie, tu vas être pour qui, toi? Moi, je vais être pour l'Italie. Mais non. Oh non, Enzo. Mec, tu vas sortir de ce studio, en sérieux. Il a droit d'être pour l'Italie. Non. En 2006, moi, j'étais pour l'Italie, on a gagné la Coupe. Pourquoi il a pas droit? Bah, parce qu'on est français avant tout. Oui. Et on supporte la France. Moi, je suis français, mais mon cœur est italien. D'accord. Voilà. Et ben, ce jour-là, je ne te parlerai pas. Sache-le.